Salut auditoire, bonsoir. Vous n'allez pas me croire, mais vous êtes à l'écoute de RGM, Radio Grimozo, 107 MHz. Tiens, vérifiez sur votre poste, vous verrez. Alors ce soir, à ce calendrier des esclavages et des libérations, eh bien, il y aura bien sûr le calendrier, une revue de presse. Et puis, Jamy retrace l'histoire d'un jean. Alors on verra qu'un jean, un blue jean, eh bien, il fait des kilomètres avant d'arriver dans le magasin où on va l'acheter. Le média, catastrophe de Rouen, le gouvernement mis en cause. Hein. Adrien Quatennens, de la France Insoumise, bonjour chez vous. Hein. La matinale, alors orgie fiscale des multinationales, mode d'emploi. Orgie fiscale des multinationales, on aura droit au mode d'emploi. Sida, tuberculose, paludisme, la France doit agir. Eh oui, il y a des progrès à faire dans tous les domaines. Les domaines de la politique, de l'économie, de la recherche médicale, des soins, de l'état des hôpitaux, du personnel, du matériel, des patients. Donc le 5 décembre, tous ensemble. Alors, la Macronie braque la sécurité sociale. C'est une émission du Média, Média TV. Hein, vous remarquerez que assez souvent, je vous passe des enregistrements du Média TV. Ben oui, Média TV, c'est une télévision qui vit parce que certains s'y abonnent. Ah oui, ça coûte un peu d'argent, mais au moins on a la vraie vérité, dirait l'autre. Hein. Turquie, la puissance, selon Erdogan. C'est une émission du Dessous des cartes de Arte. Oui, Arte, il y a de temps en temps et assez souvent même des émissions intéressantes. Et puis le débat de Jean-Luc Mélenchon, début le budget de la France, le budget de la France, voilà. Et puis alors des chansons, alors surtout des chansons au féminin cette fois-ci. Voilà, allez, bonne soirée et à la prochaine fois. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 28 octobre ? Eh bien le 28 octobre 1901, par exemple, en France, à Lure, Aucune des 150 fileuses en grève ne reprend le travail. Le contremaître en cause est déplacé, mais non renvoyé. 1935, France. Un décret rend obligatoire les assurances sociales. 1936, Irak. Coup d'État porté par le mécontentement populaire. Le gouvernement est renversé. Le Parlement est dissous. Les deux leaders du groupe A-Ali participent au nouveau gouvernement, mais l'espoir ne durera que quelques mois. 1939, Tchécoslovaquie. Malgré l'occupation nazie, à l'occasion du 21e anniversaire de la fête nationale tchèque, des grèves et des manifestations ont lieu à l'instigation du Parti communiste. Des résistants. Déjà, encore, toujours. 1944, Canada. Adoption de la loi de l'arbitrage obligatoire des différends entre les services publics et leurs salariés. 1947, France. Les antifascistes parisiens descendent dans la rue. Ils protestent contre la tenue d'un meeting d'anciens collaborateurs. Des heurts très violents avec la police font 300 blessés. 1960, Japon. Le conflit des houillères de Miike s'achève sur une défaite. Le combat, bien que mené avec allant et solidarité, était inégal face à la police, aux tribunaux et même aux gangs. Eh oui, les gangsters sont souvent du côté du pouvoir. 1962, Canada. Pour la première fois en Amérique du Nord, les représentants du capital, du travail et de l'État se concertent pour former le Centre d'organisation scientifique du travail. Son objectif est de fournir une aide aux entreprises qui veulent augmenter leur productivité. 1982, Espagne. 7 ans après la mort de Franco, les socialistes sont au pouvoir. Le Parti socialiste ouvrier espagnol de Felipe González obtient 201 sièges sur 350 à l'Assemblée nationale. 1982, France, promulgation de la loi de Auroux relative aux institutions représentatives du personnel, section syndicale, délégué d'entreprise, comité d'entreprise. C'était en 1982, en France. 1983, Yougoslavie, manifestation à Strasbourg, devant le Parlement européen, des représentants venus de toute l'Europe, de 2 millions d'Albanais vivant en Yougoslavie. Ils dénoncent les conditions de vie misérables de leurs compatriotes et demandent la création d'une république albanaise en Yougoslavie, la République du Kosovo. Petite revue de presse. Un jour, une histoire. Atteinte d'une maladie rare, la ciliopathie, Léonie Mathieu, 7 ans, vit dans les Vosges. Une petite fille presque comme les autres. Voilà un article qui fait une page complète. Très intéressant, très émouvant. Mais on peut surtout se dire que les maladies qui existent encore actuellement, les maladies plus ou moins rares, plus ou moins certaines très graves, héréditaires pour une bonne partie d'entre elles. Certaines sont dues à l'environnement, à ce que l'on fait de l'industrie, aux incendies à Rouen par exemple, ou à toutes sortes de mauvaises choses qui sont faites par l'industrie ou pour l'industrie ou dans l'industrie. Eh bien, on peut se dire que si la guerre de 14 avait été évitée, celle de 39-45 n'aurait pas eu lieu. Et puis, bon, on aurait pu aussi éviter facilement la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie et d'autres guerres qui ont eu lieu un petit peu partout depuis. si on avait consacré l'argent qui était utilisé pour acheter le carburant pour faire ces guerres, rien que le carburant, hein, eh bien, vous pensez bien que la recherche médicale, elle aurait pu avancer de plusieurs pas, et même de plusieurs grands pas. Si au prix du carburant, on ajoute le prix des armes et le prix des munitions, le pas fait par la science, par la médecine, hein, aurait été encore beaucoup plus grand. Il y a des maladies dont on ne parlerait plus du tout actuellement, hein, et qui ont fait souffrir et mourir des millions de personnes depuis. C'est-à-dire qu'on a fait mourir, souffrir des millions de personnes qui ont fait la guerre, des millions de personnes qui ont subi les guerres, parce que les civils qui étaient sous les bombardements à Brest en France ou à Hambourg en Allemagne, ou etc., eux, ils n'avaient pas voté pour la guerre. On leur a pas demandé leur avis, bien sûr. Alors si on mettait l'argent qu'on met dans les crédits militaires, si on le mettait dans la recherche scientifique, vous croyez pas que l'espèce humaine serait beaucoup plus heureuse, hein? Eh oui, ben en tant qu'électeur, il faut qu'on y pense quand on va voter. Ah oui, il faut qu'on pense à ces choses-là aussi. Surtout, la laïcité, l'épine du gouvernement. Ah oui, ah ça, ils ont des problèmes avec la laïcité. Hein, ça. Et puis, bon, ben, enfin, bref, voilà. Féminicide en hausse. Un triste cap vient d'être atteint au moment où l'Assemblée vote une disposition pour imposer le bracelet électronique aux conjoints violents. Depuis le 1er janvier, 121 femmes ont été tuées par leur compagnon ou ex, soit autant que sur toute l'année 2018. Eh oui, les choses s'aggravent. Ben oui, puisque le chômage, la misère s'aggrave, eh bien le comportement des gens, eh bien s'en ressent aussi. Et il y a de plus en plus de victimes, des victimes qui sont elles-mêmes victimes des victimes, etc. Et ça fait boule de neige. Et le malheur amène le malheur. Hein, eh oui, eh bien souvent la délinquance est là comme cause, eh bien une certaine forme de désespoir. Et c'est très grave pour les victimes, c'est très très embêtant pour la population en général. Et oui, il faudrait qu'on réagisse, là encore. Hein. 10 000 pompiers appellent à l'aide à Paris. Cette fois, ce sont eux qui demandent du secours. Fatigués, se sentant abandonnés, les sapeurs-pompiers professionnels ont montré mardi à Paris leur frustration de voir le système se dégrader au détriment de la population. Plusieurs centaines de Lorrains ont gonflé l'important cortège. Et oui, il y avait même des pompiers lorrains. Ah oui, les Lorrains, ils réagissent aussi. Ah ben, faut pas croire. Des pompiers vosgiens à la manifestation nationale. Ah oui, même des Vosgiens. Et, hein, les Vosgiens qui votent très souvent à droite, qui se trompent. Enfin bon, passons. Hein, voilà. Eh bien, de temps en temps quand même, ben oui, il y en a qui réagissent. Les grands donateurs pour Notre-Dame de Paris, les dons concrétisés, 200 millions, LVMH, Bernard Arnault, 100 millions de Kering, ah, je sais pas ce que c'est que les Kering, famille Pinotto, 100 millions d'euros de la milliardaire brésilienne Lili Safra. Le plan inquiète toujours les parents à Notre-Dame de Paris. La fonte des 300 tonnes de plomb contenues dans la flèche et la toiture de Notre-Dame de Paris, dont des poussières ont été libérées par l'incendie, inquiète toujours les riverains. Ingéré par des enfants à bas âge, ce métal présente un risque d'intoxication appelé saturnisme. Oui, et c'est nocif aussi pour les adultes, hein. Ah oh oui, même très âgés. Oh oui. Oh ben, on a vite fait de nous rassurer. La révolution de l'apprentissage pour 40 000 jeunes dans le Grand Est, à compter du 1er janvier, c'est la loi Pénicaud sur l'avenir professionnel qui s'appliquera. 60 déclarations de nouveaux centres de formation d'apprentis, CFA, ont été effectuées auprès de la préfecture de région. Une seule entreprise, pour l'instant, se prépare à créer son propre CFA. Eh oui, CFA. Et on est au 21e siècle. Eh oui, CFA, 21e siècle. Coussé, de l'herbe et de l'économie circulaire. Trésorier adjoint de l'Association des méthaniseurs de France, le Vosgien Sylvère Adam a, avec deux partenaires agriculteurs, installé une usine de méthanisation. Le circuit permet d'éviter l'engrais chimique et d'assurer le chauffage de 1600 mètres carrés de serre pour la vente de légumes. Vous voyez qu'il y a des solutions. Eh oui, il faut les chercher. Faut aider ceux qui trouvent les solutions à les mettre en œuvre. Eh oui. 1450 signatures contre le contrat de performance à l'hôpital de Saint-Dié. 1450 signatures. Il devrait y en avoir 10 fois plus. Hein. Et oui, si les gens, ils se bougeaient, s'ils pensaient que, ben oui, l'hôpital, on est tous amenés à y passer un jour ou l'autre. Hein. Alors, donc, il faut en prendre soin de l'hôpital si on veut qu'un jour, ils prennent soin de nous et de notre famille. Hein, il faut s'en occuper avant. Là encore, le bulletin de vote est très, très, très, très, très, très important. Eh oui, le pansement qu'on vous met sur la plaie est important, le médicament qu'on vous fait prendre est important, mais le bulletin de vote est encore plus important. Ben oui, parce qu'il permet d'avoir l'un et l'autre, et tout le reste. Une compagnie de tirailleurs de retour de Djibouti à Épinal. Alors, moins d'internes ce semestre à l'hôpital de Saint-Dié. Pourquoi ? Eh oui, ben les syndicats ne sont pas d'accord, ne sont pas contents. Le futur espace culturel prend forme rue de l'Église à Dommartin-lès-Miremont. Naissance à Remiremont, il y a eu dernièrement 12 naissances, dont 2 seulement de Remiremont. 2 seulement de Remiremont. Mais que font les gens de Remiremont ? Allons, allons, il n'y a pas que la télé dans la vie. Allons, allons. Et oui, il faut faire des enfants, il faut faire des consommateurs pour faire marcher les magasins de la grande rue et d'ailleurs. Il faut faire des électeurs pour voter pour nos élus. Il faut des chômeurs aussi. Ah oui, il faut pas faire de chômeurs. Non. Ah, oui, bon, allez, j'ai rien dit. La Catalogne s'enflamme et les risques sont majeurs. Émeute à Barcelone, tension dans toute la région, la crise catalane, émeute je dirais, manifestation. La crise catalane s'aggrave jour après jour et menace de peser sur le scrutin législatif du 10 novembre en Espagne et sur l'économie européenne. Ouais, oh là là, oh, les Catalans, ils en ont vu d'autres. Pendant la guerre d'Espagne par exemple, ils étaient plus souvent républicains que dans d'autres régions d'Espagne, les Catalans. Ah oui, oui. Ils sont modernes, eux. Le policier avait mis un mouchard sous la voiture de sa femme. En instance de divorce, ce quadragénaire, jaloux, avait mis un GPS dans un bas de caisse de véhicule de son épouse, un appareil capable de la localiser en temps réel. C'est strictement interdit, qu'on se dise. Eh oui, bah oui, mais bon, ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, enfin bref. Portrait décroché de Macron, les condamnés font appel. La Vosgienne Pauline Boyer, comme les autres manifestants, tous jugés pour avoir en février dernier décroché le portrait du président Macron dans une mairie parisienne, ont été condamnés à 500 € d'amende. Les condamnés ont aussitôt fait appel de cette décision. Alors, tiens, des trucs, là, on nous a beaucoup parlé de Jacques Chirac, hein. Alors, voilà, un petit truc qui m'est arrivé, comme ça, c'est cet homme-là que Macron va célébrer lundi, Marlène Schiappa sera là, point d'interrogation. Jacques Chirac, 2 points, ouvrons les guillemets. Pour moi, la femme idéale, c'est la femme corrézienne, celle de l'ancien temps, dure à la peine, qui sert les hommes à table, ne s'assied jamais avec eux et ne parle pas. Alors, à qui a-t-il dit cela, Jacques Chirac ? Eh bien, au Figaro Magazine de janvier 1978. Vous voyez, c'est pas d'hier. Hein ? Il y a une certaine constance. Mais oui, mais oui. Les femmes corréziennes et les vosgiennes. Jacques Chirac, c'est les emplois fictifs. Les détournements de fonds avec les HLM de Paris. Le trucage des marchés publics des lycées d'Île-de-France. La suppression de l'ISF en 1986, déjà. Le plan Juppé. La réforme des retraites de 2003, déjà. L'évacuation brutale des sans-papiers de l'église Saint-Bernard en 1996. Le raciste du bruit et de l'odeur. Le bruit et l'odeur. La reprise des essais nucléaires en Polynésie. La France-Afrique et les réseaux Focard. La mort de Malik Oussekine. Le massacre d'Ouvéa. Pas d'hommage, ni oubli, ni pardon. C'est la marionnette des guignols que vous regrettez, pas lui. Les gouvernements alliés et associés menacent l'Allemagne de sanctions s'il ne tient pas ses engagements. Une note a été adressée par les gouvernements alliés et associés au gouvernement allemand par l'intermédiaire du maréchal Foch. Au terme de l'article 12 de l'armistice du 11 novembre 1918, l'Allemagne a souscrit l'engagement suivant. Toutes les troupes allemandes qui se trouvent sur les territoires qui faisaient partie avant la guerre de l'Autriche-Hongrie, de la Roumanie, de la Turquie, devront rentrer immédiatement dans les frontières de l'Allemagne telles qu'elles étaient au 1er août 1914. Toutes les troupes allemandes qui stationnent dans les territoires qui faisaient partie avant la guerre de la Russie devront également rentrer dans les territoires de l'Allemagne, dans les frontières de l'Allemagne, définies comme ci-dessus, dès que les Alliés jugeront le moment venu, compte tenu de la situation de ces territoires. Alors, bon, ça, il ne s'agit pas de l'Allemagne de 2019. Non, il s'agit de l'Allemagne de 1919. 1919. Toute comparaison, évidemment, serait mal placée. Hein? Convenons-en. Quand arrive le samedi, sans faire de chichi ni faire de toilette, nous partons au galop avec mon costaud dans un bal musette. Où nous nous retrouvons, rien qu'entre mectons et vraies gigolettes, tournons, tournons, on fredonne au son de l'accordéon. Qu'est-ce qui dégote le foxtrot et même le chimie, les pas anglais, la scottish et tout ce qui s'ensuit. C'est la java, la vieille mazurka du vieux Sébasto. Je suis ta ménesse, je suis ta gonzesse, tu es mon julot. Tout contre toi, serre-moi bien fort dans tes bras. Je te suivrai, je ferai tout ce que tu voudras. Quand tu me prends dans mon cœur, je sens comme un vertigo. J'aime ta casquette et le roux-flaquette et ton bout de mégot. Mais le boulevard Saint-Germain, les gens du gratin n'ont pas de principe. Dès que les puretins ont quelque chose de bien, il faut qu'ils nous le chipent. À présent les mondains essaient, mais en vain, de copier nos types. Et les poules de luxe dans les salons se pâment chantant à leur micheton. Qu'est-ce qui dégote le foxtrot et même le chimie, les pas anglais, la scottish et tout ce qui s'ensuit. C'est la java, la vieille mazurka du vieux Sébasto. Je suis ta ménesse, je suis ta gonzesse, tu es mon juo. Tout contre toi, serre-moi bien fort dans tes bras. Je te suivrai, je ferai tout ce que tu voudras. Quand tu me prends dans mon cœur, je sens comme un vertigo. J'aime ta casquette, tes deux roues plaquettes et ton bout de mégot. On en fabrique chaque année 2,3 milliards à travers la planète et certains d'entre eux parcourent parfois plusieurs dizaines de milliers de kilomètres avant d'arriver sur les étagères du magasin de prêt-à-porter. Je vous propose donc de suivre l'itinéraire d'un de ces jeans, l'un des itinéraires les plus longs. Alors, notre histoire, ou plutôt notre voyage, va commencer en Inde, à Ludhiana. Pourquoi dans ce pays? Eh bien, tout simplement parce que pour faire un jean, il faut du coton et que l'Inde est le premier producteur mondial de coton avec 6 350 000 tonnes par an, au passage, je rappelle. Mais vous l'avez dit que le coton consomme beaucoup d'eau. Pour faire pousser le coton nécessaire à la fabrication d'un jean, il faut 4000 litres d'eau. Puis, ce coton est envoyé chez le voisin, au Pakistan, à Karachi, pour être filé et tissé. Étape suivante, la Chine. 4800 km plus à l'est, Xintang, la capitale du jean. 3000 usines qui vont produire, tenez-vous bien, la toile nécessaire à la fabrication de 800 000 jeans par jour. Voilà, c'est là que la toile va prendre de la couleur. Elle est teinte en bleu indigo. Alors pour cela, les fabricants utilisent un pigment de synthèse. Pour fabriquer 1 kg de ce pigment de synthèse, il faut une centaine de kilos de pétrole, des solvants et 1000 litres d'eau. Voilà, la toile est ensuite envoyée en Tunisie. Et encore 9500 km de plus. Au compteur, là, elle est assemblée, on va ajouter, vous savez, les petits rivets qui, en général, arrivent d'Australie. La fermeture éclair, c'est devenu une spécialité du Japon. Quant aux boutons, eh bien, très souvent, ils arrivent de République démocratique du Congo. Vous pensez que c'est terminé? Eh bien non, pas encore. Le djinn va maintenant être délavé et envoyé au Bangladesh ou en Égypte. Bangladesh, là, le kilométrage est encore plus important. À Dhaka, l'opération consiste à sabler le djinn. C'est une opération très nocive. Il existe un système un peu plus vertueux qui utilise le laser, mais ça, c'est beaucoup plus cher. Voilà, là, le djinn est terminé. Il ne reste plus qu'à l'acheminer vers la boutique où il sera vendu. Au moment où ce djinn va arriver sur les étagères, il aura consommé environ 11 000 litres d'eau et parcouru 65 000 kilomètres, l'équivalent d'une fois et demie le tour de la Terre, et dire que cette toile a un peu été inventée à Nîmes, dans le sud de la France. C'est dingue. C'est ça. Le de Nîmes, c'est ça. Oui. Ah oui. Comment ça se fait que vous avez attendu 5 jours? Nous attendons encore des analyses complémentaires. Je trouve que quand même, ça s'est tiré par les cheveux. Pourquoi cette cacophonie des déclarations successives de l'État? Votre majorité a signé l'affaiblissement du rôle des comités d'hygiène et de sécurité dans les entreprises. La responsabilité, les dommages relèvent de l'industriel. Qui sont les responsables de la catastrophe de Lubrizol à Rouen? C'est à cette question qu'est consacrée l'intégralité de ce numéro 47 du Petit Coup de Bourbon. Et pendant que vous êtes là, je voudrais vous dire un mot. Vous êtes de plus en plus nombreux à être au rendez-vous de ce magazine politique. Pour qu'il continue, nous avons besoin de votre soutien financier. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Car oui, sans votre soutien, cette émission et bien d'autres pourraient disparaître. Cela fait une semaine que les flammes ont ravagé le site de l'usine Lubrizol à Rouen. Et la vérité peine toujours à se frayer un chemin. Les conséquences sanitaires restent floues et les causes de la catastrophe demeurent inconnues. À l'Assemblée, le Premier ministre affirmait mardi que son gouvernement ne cachait rien. Je redis devant la représentation nationale l'engagement de transparence absolu qui est celui du gouvernement. Toutes les informations, toutes les données scientifiques sont et seront rendus publics. Soit. Mais pourquoi était-il impossible de connaître les produits stockés sur le site de l'usine? Parce que la liste est secrète. Depuis fin 2017, et pour des raisons de sécurité que chacun peut comprendre, la liste complète des substances présentes sur les sites Seveso n'est plus rendue publique. Elle est connue, elle n'est plus rendue publique. Par exception, cet après-midi, le préfet rendra public les produits stockés dans les bâtiments qui ont brûlé et les quantités de ces produits qui ont brûlé. Le risque terroriste, d'accord. Mais rendre public un document confidentiel ne prend pas 5 jours, comme l'a souligné François Ruffin. Nous sommes 5 jours après cette catastrophe majeure. Si vous voulez lever de voile de suspicion, comment ça se fait que vous avez attendu 5 jours pour rendre public ce qui va peut-être l'être? La liste de ces produits. Elisabeth Borne a livré son explication. Il a donc été nécessaire, effectivement, d'identifier spécifiquement les produits qui étaient contenus dans cet entrepôt et les quantités des produits qui étaient stockés à cet endroit, en retirant les produits qui ont été évacués pendant l'incendie. Quelques additions et soustractions plus tard, le préfet a donc communiqué mardi, en fin d'après-midi, la liste des produits chimiques et surtout les quantités parties en fumée. 5 253 tonnes. Il reste encore un millier de fûts toxiques dans l'usine, dont 160 en mauvais état. Certains députés n'ont guère apprécié que le Premier ministre se défausse sur le préfet de Seine-Maritime. Ça ne tient pas debout. Je ne veux pas imputer quoi que ce soit à l'honnêteté du Premier ministre dans ses réponses. Mais je trouve que quand même, ça s'est tiré par les cheveux. On aurait pu dire à l'Assemblée, à la nation tout entière que nous représentons ce que le préfet sait déjà. Il prête à confusion et il fait exactement le contraire de ce qu'il devrait faire. Au lieu de faire de la transparence, il crée des doutes au sein des citoyens. En réalité, le Premier ministre n'est pas au courant de grand-chose. Des analyses complémentaires ont été engagées pour vérifier si des fibres d'amiante sont présentes dans l'air, puisque la toiture des bâtiments qui ont brûlé en contenait. Les premiers résultats, pour les mesures faites dans un rayon de 300 mètres, seront disponibles dans la journée. Officiellement, Il n'y a pas d'amiante. Cependant, si l'on en croit le journaliste de France 2, Hugo Clément, des débris de la toiture de l'usine comportant de l'amiante auraient été retrouvés pas très loin de Lubrizol. Mais il n'y a pas que l'amiante qui pose problème. Nous attendons encore des analyses complémentaires, notamment sur la présence de dioxines, qui permettront de définir le sort qui pourra être réservé aux différentes productions agricoles. Et bien évidemment, si ces productions devaient s'avérer impossibles à commercialiser, des indemnisations seront mises en place. Bref, pour le dire gentiment, l'exécutif pédale dans la choucroute. Et ça inquiète la population. Quand on dit aux gens « il n'y a pas de problème », et qu'à notre côté on dit « ne mangez pas les produits agricoles et on va devoir les jeter », bah, les gens se disent, bah, attends, s'il n'y a pas de problème, pourquoi on ne peut pas manger les produits agricoles? Donc il y a eu en plus des contradictions entre le préfet qui dit quasiment pas de toxicité, la ministre qui arrive qui dit, bah oui, il y a pollution, et puis attention à la suie. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui sont à même de faire peur aux gens, surtout quand ils ont des nuages qui sentent mauvais, qu'ils ont de la suie partout. Voilà. Les ratages dans la gestion de cette crise sont légion, comme l'a rappelé le député Sébastien Leclerc, élu du Calvados, département limitrophe de la Seine-Maritime. Pourquoi n'y a-t-il eu aucune alerte auprès des populations limitrophes du sinistre avant le lever du jour, soit 6 heures après le départ du feu? Pourquoi cette cacophonie des déclarations successives de l'État? Que faut-il comprendre derrière les affirmations que l'air rouennais est de qualité habituelle? Des questions auxquelles Sébastien Leclerc n'a reçu aucune réponse. D'autres parlementaires pointent l'affaiblissement des structures de contrôle. C'est un événement qui intervient dans un lourd contexte. Votre majorité a signé l'affaiblissement du rôle des comités d'hygiène et de sécurité dans les entreprises, l'affaiblissement du rôle de l'autorité environnementale, le renforcement du secret des affaires industrielles. Voilà des dispositions dont vous ne semblez pas mesurer la nocivité dans un tel contexte. Il y a un an, le gouvernement a fait voter une loi au Parlement qui permet en fait de revenir sur ce qui avait été décidé après AZF. Et donc, qui permet au préfet d'accorder des autorisations, alors même qu'autrefois, elle devait passer devant une commission environnementale. Eh bien, ça fait peut-être partie des sujets sur lesquels il faut s'interroger. Le patron du PS fait référence à un décret pris en juin 2018. Il prévoit qu'une installation déjà classée Seveso n'a pas besoin d'un nouvel avis de l'autorité environnementale pour modifier ses installations. L'autorité environnementale, c'est cette structure indépendante qui donne des avis rendus publics sur l'impact des grands projets et programmes sur l'environnement. Elle est composée d'ingénieurs, de scientifiques, de hauts fonctionnaires et d'élus locaux. Le décret de juin 2018 est signé par Édouard Philippe et Nicolas Hulot. Et justement, l'usine Lubrizol a bénéficié d'une telle dispense. C'est ce qu'a révélé la sénatrice de la Seine-Maritime, Céline Brulin, hier, mercredi, lors de la séance des questions d'actualité au Sénat. L'usine Lubrizol a bénéficié de ce que vous appelez des simplifications de la législation. Ce sont en réalité un détricotage du droit de l'environnement et un recul des exigences de sûreté, en l'occurrence l'augmentation des stocks sans étude de danger. La responsabilité de l'actuel gouvernement est donc engagée. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre, ainsi qu'une enquête administrative. Mais certains députés sont favorables à une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. C'est le cas du groupe de la France Insoumise. Je ne vois pas quel argument la majorité pourrait opposer au fait que l'Assemblée nationale joue son rôle de contre-pouvoir, en gros, pour vérifier non seulement si tout a été fait après l'incendie, mais vérifier aussi pourquoi on en est arrivé là. Proposition soutenue par un spectre qui va de l'ancien porte-parole de Nicolas Hulot au Rassemblement national. En tout cas, il faut un retour d'expérience sur ce qui s'est passé à Rouen. Je pense que la commission d'enquête parlementaire peut être un des outils adaptés. Je trouve que sur ce sujet-là, il faudrait que opposition et majorité se rassemblent. Moi, je veux bien qu'on fasse une commission d'enquête, évidemment, ce sera probablement utile. D'abord, ce sera intéressant de connaître les causes de cet accident. Mais la conférence des présidents de groupe, mercredi matin, a préféré s'en tenir à une simple mission d'information parlementaire, mission dont les pouvoirs sont plus limités que ceux d'une commission. Au Sénat, en revanche, la création d'une commission d'enquête a été actée, y compris par les sénateurs de La République En Marche. J'ai donné mon accord à ce que nous signions avec les autres présidents une commission d'enquête sous la condition qu'elle soit studieuse et non polémique. Il ne s'agit pas de faire une commission d'enquête politique, il s'agit de faire une commission d'enquête sérieuse qui va rechercher les causes de cet incendie, le contexte, les responsabilités éventuelles. Dans ce cadre-là, je pense que le gouvernement n'a rien à cacher et qu'il n'y est pas hostile. Mais le gouvernement n'entend pas porter le chapeau. Le Premier ministre l'a rappelé devant les sénateurs.

Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes député du Nord, coordinateur de la France Insoumise et vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Fabrice Bessaredon. Bonjour Fabrice. Bonjour Ariane. Vous êtes journaliste au groupe Ebra. Ce sont les journaux régionaux de l'Est de la France. On va commencer par l'actualité internationale. Adrien Quatennens, la Turquie qui a annoncé hier une suspension des combats en Syrie, suspension d'une durée de 5 jours. Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle? Bah écoutez, évidemment, c'est-à-dire que c'était un véritable massacre et là on a un cessez-le-feu, donc il faut se méfier parce qu'on ne sait pas exactement quelle est la pérennité de ce cessez-le-feu. Mais évidemment qu'il était urgent que ces combats puissent cesser. Se pose maintenant la question de la survie, y compris politique, du peuple kurde, dont vous savez qu'il est l'un de nos principaux alliés contre Daesh. Donc on a besoin maintenant de pouvoir voir concrètement quelles vont être les conséquences localement de ce qui s'est produit. Pour l'instant, réjouissons-nous du fait que les armes se taisent pendant 5 jours. Les États-Unis ont joué un rôle assez complexe, ils se sont retirés, maintenant ils demandent aux Turcs de lever le pied. Et l'Europe dans tout ça? Bon, d'abord, je pense que c'est aussi en quelque sorte aussi un aveu de faiblesse de la part des Turcs, dans la mesure où les Kurdes ont bien résisté sur place, malgré l'offensive. Ce qu'il y a de très clair dans cette affaire, c'est que... Vous pensez que c'est une petite victoire des Kurdes? Je pense en tout cas que c'est aussi un aveu de faiblesse de l'armée turque. Qu'est-ce que vous entendez par aveu de faiblesse? Pardon ? Qu'est-ce que vous entendez par aveu de faiblesse ? Je veux dire que, contrairement à ce qui a pu être pensé, la capacité sur place du peuple kurde à se mobiliser face à cette offensive est véritable et que peut-être l'armée turque n'avait pas envisagé avoir une telle résistance sur le terrain. Maintenant, la question, c'est celle de la diplomatie et on voit bien aussi tout le problème que ça pose. C'est que dans cette affaire, vous avez des puissances qui sont alliées au sein de l'OTAN, qui se sont retrouvés dans une situation absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait des forces spéciales françaises sur place qui ont été ciblées par l'armée d'Erdogan et par la Turquie, en quelque sorte, qui est également membre de l'OTAN. Et tout ça a démarré, c'est vrai, au moment où Donald Trump avait décidé de retirer ses troupes. Donc un allié finalement peu fiable, il faut le dire. Moi, je redis à cette occasion... Bien évidemment, moi, je redis à cette occasion que la grande question posée pour la France... qui doit jouer un rôle dans la construction de la paix, parce que la paix, c'est notre trajectoire, c'est une construction politique, c'est pas du régime de l'incantatoire, c'est avoir une indépendance. Vous savez, l'indépendance, c'est pas l'isolement en matière de géopolitique, sauf qu'en se fourvoyant dans tout type d'alliance, et y compris dans l'OTAN, on voit pas bien aujourd'hui encore quel est finalement l'intérêt pour la France, eh bien la France s'est rendue inaudible. Voilà ce qu'il s'agit de dire. Moi, je quand pense que la France... Quand vous dites indépendance, ça veut dire quoi? C'est quoi la solution? C'est l'Europe de la défense? Non, surtout pas. Ça veut dire que la France doit sortir de l'OTAN et retrouver son indépendance, puisque à travers le monde, la France est écoutée. Et elle est une puissance médiatrice. Elle est écoutée, mais pour qu'elle ait les moyens... Déjà, la première chose à faire pour qu'elle en ait les moyens, c'est qu'elle retrouve une forme d'indépendance qu'elle a aujourd'hui perdue, en se mettant à la botte souvent des intérêts des Nord-Américains. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Vous savez, l'OTAN, ça a été pensé pendant la guerre froide. Jusqu'à preuve du contraire, la guerre froide est terminée. On ne voit pas aujourd'hui quel est le sens profond de ce type d'alliance. Et dans un monde qui bouge extrêmement vite, la France doit pouvoir jouer son rôle et elle ne le peut que véritablement si elle retrouve cette indépendance. Selon vous, la France peut agir seule? Mais précisément, comprenez une chose, c'est que quand je parle d'indépendance en matière géopolitique, je suis plutôt favorable à l'idée que cette indépendance nous permette, en l'occurrence, de multiplier les contacts diplomatiques à travers le monde. C'est-à-dire que, pour moi, l'indépendance, pour moi, c'est la condition, finalement, d'une diplomatie multipolaire. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'en étant sans cesse arrimé à l'OTAN, eh bien, la capacité de la France à agir, à avoir une voix singulière à l'échelle internationale est érodée. Et de la même manière, vous me parliez de l'Europe de la défense, mais vous savez que ce projet, il est de toute façon lui aussi complètement arrimé à l'OTAN et à la politique belliciste des Nord-Américains qui ont des intérêts économiques derrière tout ça. C'est une puissance économique qui, lorsqu'elle décline, déploie des moyens considérables dans l'armée et on voit bien après de quoi il en retourne avec parfois les fuites en avant belliqueuses dont nous n'avons pas besoin. Cette attaque en Turquie, elle a posé la question des djihadistes. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, était hier en Irak. Il a plaidé pour que les djihadistes étrangers, dont 60 Français, soient jugés sur place. Est-ce qu'il faut les juger là-bas, selon vous? Écoutez, moi, bon, le droit international, en l'occurrence, dit que les crimes doivent être jugés là où ils ont été commis. Ça, c'est si on s'en tient en droit international. Moi, ce qui m'intéresse comme responsable politique, c'est la sécurité des Français. Et contrairement parfois à l'évidence et à ce que l'opinion publique entend, c'est-à-dire cette idée selon laquelle, eh bien, plus ils se tiennent éloignés de nous, mieux c'est. Et donc, il vaut mieux qu'ils soient jugés sur place. Moi, de manière très rationnelle, j'interroge la capacité à ce qu'ils soient jugés sur place. Est-ce que là-bas, les conditions de détention, de jugement, sont optimales. La question mérite d'être posée. Si c'est possible de le faire dans de bonnes conditions là-bas, oui. Mais très franchement, moi, je vous le dis. Vous n'en êtes pas convaincu. En tout cas, moi, au moment où s'est posée la question du rapatriement, il y a quelques mois, vous vous en souvenez, de certains djihadistes, moi, je disais très clairement, ce qui doit primer sur la décision, c'est notre sécurité. Donc, la capacité à faire les choses correctement. Ce n'est pas de savoir s'ils doivent être loin ou près. C'est notre sécurité, la sécurité des Français, ou c'est la justice équitable pour ces djihadistes? C'est d'abord et avant tout, compte tenu du fait que ces personnes ont retourné les armes contre nous et soient des adversaires, c'est d'abord et avant tout notre sécurité qui compte, bien évidemment, dans le respect du droit. Ça, c'est évident. Mais sur la question de savoir où on les juge, c'est la capacité matérielle, je veux dire, à les juger et à détenir. On pourrait aussi imaginer, pourquoi pas, des tribunaux internationaux ad hoc qui seraient déployés sur place. Mais la question qui doit primer d'abord et avant tout, c'est notre sécurité. Si les conditions là-bas permettent de les juger correctement et d'avoir de la détention, c'est très bien. Si ce n'est pas possible, pourquoi pas le faire ici? Et puis surtout, dire une chose, c'est que quand il y a des jugements, ça doit aussi nous servir en termes de renseignements pour recueillir de l'information. Car nous n'avons pas fini, jusqu'à preuve du contraire, avec ces milices islamistes. Donc il faut pouvoir effectivement recueillir de l'information, c'est extrêmement important. On a assez peu parlé du renseignement, mais on a besoin de cela également. L'opinion publique est plutôt favorable à ce que ces djihadistes restent là-bas. Oui, mais pourquoi? Pour une raison qu'on connaît bien, et moi je suis d'accord avec l'opinion sur ce point évidemment. L'opinion publique, elle veut sa protection, sa sûreté, sa sécurité. Et bien évidemment, c'est mon souhait le plus complet que d'y concourir. Et donc je crois qu'il faut d'abord se poser la question, effectivement, de oui ou non, est-ce que ces jugements et cette détention peuvent être bien réalisés sur place ou pas? Si la réponse est oui, alors pas de problème, on les juge sur place. Si en revanche, nous n'avons aucune garantie, et que, y compris d'ailleurs, le retrait américain pose des problèmes en la matière, il faut pouvoir se poser rationnellement la question. Alors on va passer à un autre sujet, le Brexit. Un accord a été trouvé hier entre les 27 et le Royaume-Uni sur les conditions de ce Brexit. Est-ce que déjà vous réjouissez qu'un accord soit trouvé? Écoutez, il faut bien qu'on trouve une porte de sortie à cette situation. Maintenant, si j'en crois le contenu de l'accord, et y compris, bon, il reste encore à passer l'épreuve du Parlement. Oui. J'ai vu que beaucoup de parlementaires britanniques considéraient que l'accord qui a été négocié entre l'Union européenne et Boris Johnson est un moins bon accord de leur point de vue que l'accord précédent négocié par Theresa May, dont on se souvient qu'il avait été largement rejeté au sein du Parlement. Vous êtes peu confiant. Donc l'affaire n'est pas terminée. Maintenant, ce qu'on voit dans les détails, c'est qu'on est en présence finalement d'un accord qui va ressembler ni plus ni moins qu'à un vaste accord de libre-échange, avec d'ailleurs une partie qui reste à négocier a posteriori si l'accord est validé par le Parlement. Bon, moi, plus globalement, la question du Brexit, elle pose la question de l'Union européenne et du fait que l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui se rend détestable aux yeux des peuples. Il faut dire les choses très franchement, pour des mots d'ordre qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais en tout cas, vous savez, il y a encore quelques années, quand on parlait de l'Union européenne, on se posait la question de savoir quel allait être le prochain pays qui allait rejoindre l'Union européenne aujourd'hui. Ce qui lui a été reproché d'ailleurs, cette boulimie. Pardon ? Cette boulimie a été reproché à l'Union européenne. Oui, mais en l'occurrence, c'est plutôt les conditions de l'intégration qui pose question, finalement. Parce que l'Union européenne, aujourd'hui, disons les choses très franchement, c'est un idéal, l'Europe, auquel moi je souscris au départ. C'est-à-dire l'idée de coopération entre les peuples. Mais on voit bien qu'au fur et à mesure de la construction européenne, cet idéal a été largement dévoyé sur l'autel des marchés, de la concurrence libre et non faussée, d'une manière absolument idéologique et aveugle. Et aujourd'hui, s'il fallait résumer à grands traits l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, ce sont des pays qui ne sont pas harmonisés socialement, fiscalement, que l'on a empaquetés parfois de force. Les Français se souviennent du vote de 2005. Entre des traités qui, en gros, empêchent l'harmonisation sociale et fiscale, réduisent les capacités budgétaires, et on dit, en gros, c'est la compétition économique, battez-vous entre vous, que le meilleur gagne. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, on voit bien aujourd'hui que sur un tas d'objectifs, d'ailleurs, que nous avons à réaliser. Moi, je vous dis, aujourd'hui, par exemple, la France a des capacités pour pouvoir ouvrir la voie d'une bifurcation technique pour faire la planification écologique. Oui, mais pour ça, il faut investir considérablement. On pourrait le faire parce que les taux sont plutôt bas. L'Europe ne va pas assez loin, finalement. Alors, dans l'harmonisation. Si vous m'écoutez bien, ce qui se passe, c'est que les traités européens, en gros, empêchent de mener une autre politique que la politique d'austérité budgétaire et la concurrence libre et non faussée. En gros, à peu près partout sur le vieux continent, peu importe pour qui vous votez, on l'a vu avec les expériences grecques et autres, systématiquement, la Banque Centrale Européenne, la Commission viennent sauter à la gorge des gouvernements pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'alternative, soit toujours la même politique partout. Vous savez, en France, malgré la Ve République que je mets en cause, puisque je veux passer à la sixième avec l'Assemblée constituante. Si vous votez pour un président de tel ou tel bord politique, même dans ce cadre institutionnel, vous pouvez mener des politiques foncièrement différentes. L'Union européenne, aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, en gros, fonctionne comme une camisole de force qui empêche de mener d'autres politiques. Il ne s'agit pas de rejeter l'Union par principe, mais de dire que tant que ce sont ces traités-là qui sont en vigueur, eh bien, l'Union européenne ne peut pas plaire au peuple. Elle ne peut que dysfonctionner. Mais pour finir votre raisonnement de tout à l'heure, vous nous disiez, il y a quelques années, on se posait la question de savoir quel pays allait rentrer dans l'Union européenne. Et j'imagine que vous alliez nous dire aujourd'hui, on se demande qui va en sortir. Maintenant, on se demande quel est le prochain à vouloir sortir. Voilà, est-ce que pour vous, clairement, il y a un risque d'éclatement de cette Union européenne ? Mais la dislocation est en cours, j'ai envie de vous dire. Parce que les Anglais sortent d'une Union dans laquelle ils n'ont jamais vraiment voulu rentrer. Mais il n'y a pas que les Anglais. Vous voyez bien que régulièrement, lorsqu'il y a des scrutins à l'échelle européenne, on voit bien ce qui se passe. Il y a une défiance qui s'exprime envers l'Union européenne. Je veux dire, à la rigueur, si on parlait de dislocation de l'Union européenne, vous restez assis sur une chaise, vous regardez, et la dislocation, elle a déjà lieu, elle est sous nos yeux. Moi, je pense que véritablement, il est temps de se poser la question de la manière dont cette Union fonctionne, et notamment de ses traités. On ne peut pas continuer, pour le dire, pour tailler le raisonnement à la serpe, à avoir une Union européenne qui est aligné sur les intérêts de quelques-uns, en particulier, je pense, aux intérêts du gouvernement allemand et de sa production particulière, de sa démographie particulière, face aux grands défis que nous avons à relever de toute façon, qui dépassent même d'ailleurs nos désaccords politiques. Je pense, par exemple, à la question du changement climatique. Il y a besoin de pouvoir investir et donc d'arrêter de respecter ces règles absurdes, notamment des 3% de déficit budgétaire, qui nous mettent en retard sur plein d'objectifs que nous pourrions réaliser. Enfin, il y a quand même plus enthousiasmant à faire, à mon avis, que la concurrence libre et non faussée et l'austérité budgétaire. Le fait que Sylvie Goulard ait été retoquée la semaine dernière, vous avez vécu ça comme un affront en tant que Français ou pas ? Bon, d'abord, Sylvie Goulard en tant que telle, je crois que c'était pas une bonne candidate pour plein de raisons. Ouais. D'abord, du point de vue de ce que l'on vient de se dire et de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui et de ses travers de mon point de vue, Sylvie Goulard était un peu vraiment voilà, la bonne représentante de l'Union européenne telle qu'elle dysfonctionne de mon point de vue. Mais au-delà de ça, effectivement, je pense que sa candidature, compte tenu de la controverse autour des affaires, était en quelque sorte une provocation. Ça n'était pas possible pour elle. Mais bien évidemment, c'est une première dans l'histoire de la Commission que la candidature française soit rejetée. C'est donc un camouflet pour la France, mais en particulier pour Emmanuel Macron, dont on voit bien que les choix ne sont pas si évidents que cela aux yeux des dirigeants européens. C'est-à-dire on nous a beaucoup vendu la parole de la France au sein de l'Union européenne et un Emmanuel Macron qui serait rayonnant à l'échelle de l'Union européenne. On voit bien qu'aujourd'hui, et je fais le lien avec votre première question sur la Turquie et sur l'OTAN, on voit bien que la parole de la France, que ce soit au sein de l'Union européenne ou à l'échelle mondiale, elle est considérablement affaiblie. Nous avons perdu de notre capacité de rayonnement au service de grands objectifs, qu'ils soient économiques concernant l'Union européenne, écologiques ou géopolitiques. Allez, il y aura encore beaucoup à dire sur l'Union européenne, mais il faut qu'on avance, il y a beaucoup de sujets. On va parler de la réforme des retraites. Hier, Édouard Philippe était dans le Jura, à Lons-le-Saunier, pour discuter avec les citoyens de cette réforme des retraites. Et dans un document communiqué aux partenaires sociaux, Jean-Paul Delevoye, eh bien, il rouvre la discussion sur le délai de mise en œuvre de cette réforme. Est-ce que vous y voyez une ouverture au dialogue ou un recul ? Non, j'y vois une entourloupe. C'est-à-dire qu'en fait, à mesure qu'on avance et que le calendrier approche du moment où, d'un point de vue législatif, ce texte devrait être étudié, à chaque fois, on a un gouvernement qui nous dit « rien n'est décidé, rassurez-vous ». Mais en fait, à coup de « rien n'est décidé », on va arriver jusqu'au moment où la réforme va passer. Et pendant qu'elle sera discutée, nous dirons « rien n'est décidé, rassurez-vous ». Non, en réalité, c'est que quand on regarde, y compris les débats qui sont menés sur la réforme des retraites, moi, je veux faire œuvre de pédagogie parce que l'essentiel n'est jamais dit aux Français. Tant que l'on arrive à se saisir des différents particularismes dans des exercices comme celui qu'on a vu hier avec Édouard Philippe et Jean-Paul Delevoye ou il y a quelques semaines à Rodez avec Emmanuel Macron, tant que le président de la République peut dire en quelque sorte « Madame, on va regarder votre dossier, on va s'occuper de vous », l'essentiel n'est pas dit et personne n'y voit clair sur cette réforme. Parce qu'on nous parle aujourd'hui du calendrier de la réforme, mais le problème, ce n'est pas le calendrier, c'est l'intention de ce gouvernement. Si je le résume à grands traits, en quelque sorte, la réforme des retraites par points, qui focalise tous les commentaires, c'est juste un outil. Un outil au service d'un objectif politique qui n'est jamais avoué par le gouvernement. C'est que pour la première fois de l'histoire, notamment de la sécurité sociale, alors qu'à mesure que la population de ce pays a vieilli, on a toujours alloué plus de ressources au financement des retraites, tant et si bien que, y compris le taux de pauvreté des seniors a été contenu en France et que le système de retraite a plutôt tenu sa promesse. Mais aujourd'hui, pour la première fois, Emmanuel Macron veut opérer une rupture, alors que la trajectoire démographique montre qu'il va y avoir toujours plus de seniors, donc potentiellement toujours plus de retraites à servir. Emmanuel Macron a décidé de geler la part du PIB la part de la production qui va être allouée au financement des retraites à 14%. Donc il va y avoir un décrochage en quelque sorte. Donc il faut bien, il faut bien la réformer cette retraite. Attends, j'y viens, oui, parce que je ne défends pas le statu quo, je vais vous dire ce que je défends. Mais en tout cas, dire une chose, c'est que compte tenu de ce choix d'Emmanuel Macron de bloquer à 14% du PIB la part des ressources allouées aux retraites, ça va provoquer un effet qui est mécanique, de toute façon. C'est qu'on va être toujours plus nombreux démographiquement à se partager un gâteau dont Emmanuel Macron nous dit il ne sera pas plus gros. Donc la retraite vous dites qu'il y aura une baisse des pensions. Bah, la retraite par point, mécaniquement, elle permet de se partager à toujours plus un gâteau qui ne sera pas plus gros. Donc pas besoin de 3h30 en bras de chemise pour comprendre du coup ce qui va se passer. C'est que mécaniquement, soit les pensions vont baisser, soit pour avoir le même niveau de pension, vous allez devoir mécaniquement et de génération après génération travailler plus longtemps. J'ai regardé dans le rapport de Levoix. Qu'est-ce que vous reprochez? C'est que les choses ne soient pas dites? Alors d'abord qu'elles ne soient pas dites. Alors qu'il faut travailler plus longtemps, il ne s'en cache pas, c'est Emmanuel Macron. Oui, mais si vous voulez, on biaise. On dit oui, il y a l'âge pivot. 64 ans, en réalité, j'ai regardé, c'est mécanique. C'est-à-dire que de génération en génération, cette affaire reporte de fait l'âge auquel vous pouvez partir avec une pension digne. Ma génération, par exemple, j'ai regardé par curiosité dans le rapport de Levoix, celle qui est de 1990, ça l'amènera à travailler jusqu'au tour de 66 et 3 mois. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi travailler jusqu'après l'âge d'espérance de vie en bonne santé. La retraite, c'est un modèle de société. Ce sont des choix qui concernent ce que l'on veut pour nos vieux jours, voyez. Et Emmanuel Macron fait en fait en quelque sorte de la vie des gens et de l'âge de départ une variable d'ajustement. Alors vous dites qu'est-ce que faudrait proposer? Moi je vous le dis, mon souhait serait qu'on puisse avoir le raisonnement inverse. Plutôt que de se dire comment on partage un gâteau qui sera jamais plus gros, ce que fait Emmanuel Macron, c'est quels sont nos objectifs pour les vieux jours de la population française. Et moi j'en pose deux. Le premier, ce serait de faire en sorte que lorsque vous partez en retraite, ça ne signifie pas une diminution de votre niveau de vie, c'est-à-dire un maintien du niveau de vie à la retraite. Premier objectif. Deuxième objectif. Aujourd'hui, c'est déjà un petit peu le cas. Non, aujourd'hui, justement, ce qui va se passer, c'est que comme vous allez devoir travailler toujours plus longtemps, vous allez aussi partir à la retraite à un âge qui, de mon point de vue, n'est pas digne. Qu'est-ce qu'un âge digne pour partir à la retraite? C'est un âge auquel vous n'êtes pas cassé par le travail et auquel vous avez une espérance de vie en bonne santé qui est encore un peu plus importante. Ben moi, je pense qu'on devrait, et on peut le faire, financer la liberté de partir à 60 ans. La liberté, je dis bien. Et on peut le faire. Comment? Il y a des solutions à court terme de financement. Par exemple, puisque tout est lié dans l'affaire des retraites. C'est à la carte, hein, ce que vous proposez là. Pardon? C'est à la carte. Non, c'est de fixer deux grands principes. D'abord, quand vous partez en retraite, votre niveau de vie se maintient. Premier objectif. Deuxième objectif, liberté de partir à 60 ans. Et de considérer qu'effectivement, le progrès, ce n'est pas de travailler toujours plus longtemps. Comment on finance? Alors, il y a des moyens. Il y a des moyens à court terme. Par exemple, vous augmentez les salaires. Rien qu'une augmentation de 1% des salaires, ça vous fait 2,5 milliards de cotisations en plus. Vous créez de l'emploi. Parlons de planification écologique. Vous créez 100 000 emplois en France, par exemple, c'est 1,3 milliard de cotisations en plus. Et après, vous dire une chose aussi, c'est que toutes les projections montrent qu'à long terme, il n'y a pas d'antinomie, si je puis dire, entre l'augmentation des salaires et l'augmentation du taux de cotisation. Il faut aussi réhabiliter aux yeux des Français ce qu'est la cotisation. Parce qu'Emmanuel Macron, quand il vous dit « j'augmente votre salaire en baissant la cotisation », en fait, ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il vous met un peu dans la poche droite ce qu'il vous a pris dans l'autre poche. Les cotisations sont une part du salaire. Moins de cotisations, c'est un petit gain sur le salaire net, mais ça veut dire potentiellement moins de retraite demain, moins de santé. Il faut réhabiliter cette idée. Et on peut le faire, je crois que c'est davantage cela le progrès que le projet d'Emmanuel Macron. Adrien Quatennens, autre sujet d'actualité très chaude, le port du voile islamique, notamment pendant les sorties scolaires. Il y a un projet de loi qui doit arriver, une proposition de loi qui doit arriver devant l'Assemblée pour interdire le voile pendant les sorties scolaires. Quelle va être votre position sur ce sujet? Je mets en garde contre le débat et le climat absolument abject que nous avons depuis quelques semaines dans le pays. Vous savez, on a cette impression désagréable que tout se vaut, que tout est à mettre sur le même plan. Et depuis 3 semaines, d'un débat sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron pour mettre en scène son face-à-face avec Madame Le Pen, jusqu'au propos de Monsieur Blanquer sur les petits garçons qui refuseraient de tenir la main des petites filles à l'école, en passant par cette humiliation absolument ignoble d'un élu d'extrême droite auprès de cette mère de famille qui accompagnait les enfants, on a un climat qui n'est plus rationnel du tout. Alors, s'agissant de la question des accompagnants, des accompagnantes en sortie scolaire, la solution dans l'absolu, laquelle serait-elle? Ce serait que les personnes qui accompagnent soient des fonctionnaires. Parce que si ces personnes l'étaient, elle serait soumise, comme la laïcité l'impose, à la neutralité qu'on est en droit d'attendre de nos services publics. Vous êtes sûr que c'est appliqué, ça, aujourd'hui, partout? Ben non, de fait, aujourd'hui, les personnes qui accompagnent en sortie scolaire ne sont pas des fonctionnaires. Et donc, quand on fait appel... Y compris dans la fonction publique. Et donc, quand on fait... Dans la fonction publique, ça doit être appliqué. Êtes-vous certain que ça l'est? Peut-être qu'il y a des endroits où ça n'est pas le cas, mais moi, ce que je vois en vous tout cas... Vous savez que ça existe. Oui, mais en tout cas, c'est extrêmement marginal, vous en conviendrez. Et puis, partout où ça existe, on doit pouvoir faire rétablir ce que la loi a dit, c'est-à-dire la neutralité des agents qui personnifient le service et qui donc doivent se tenir à cette neutralité. Mais ça n'est pas sérieux de cibler, comme le font ceux qui vont proposer cette loi, toujours la même religion. Moi, je veux bien qu'on ait un débat sur les signes religieux. Et moi, d'ailleurs, je peux vous dire que pour la société, j'espère autre chose que l'exacerbation dans l'espace public des particularismes religieux multiples. Mais je ne suis pas d'accord. Et je refuse fermement que l'on stigmatise une religion et ses croyants, comme le font certains élus. Ça n'est pas la République, vous savez. La République, la laïcité, c'est pas ce qui segmente, c'est pas ce qui divise, c'est même tout le contraire. Et d'une certaine manière, celles et ceux qui se parent derrière la laïcité ou la République pour ne cibler qu'une religion, font aussi et portent atteinte et portent un coup dur à la République. Je termine, mais la laïcité, qu'est-ce que c'est? Il faut la rappeler un peu aux Français. La laïcité, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des citoyens qui ne veulent pas être triés selon leur appartenance à telle ou telle autre communauté supposée. C'est l'affaire des croyants qui ne veulent pas que l'État se mêle de leur foi personnelle. C'est l'affaire des non-croyants qui veulent revendiquer ce droit de ne pas croire. Bref, c'est ce qui permet de faire l'unité. Et je crois que ce qui est souhaitable, et j'en termine par là, d'abord et avant tout, surtout dans la période que nous connaissons, c'est l'unité du peuple français. Et c'est une condition, y compris pour faire face à ceux qui agressent la République. Merci beaucoup. Merci Adrien Quatennens. Lutter contre l'optimisation fiscale est un impératif aujourd'hui. Dans son projet de budget 2020, le gouvernement persiste dans l'objectif fixé par Emmanuel Macron. Faire baisser progressivement le taux de l'impôt sur les sociétés de 34,3% à 25%, soit une réduction d'impôt de 14 milliards au profit des grandes entreprises. La concurrence fiscale est une tendance générale dans les pays industrialisés. Pour attirer les grandes entreprises, tous les pays baissent, chacun leur tour, leur taux d'imposition. À la fin, tous s'aligneront sur le taux de l'Irlande, 12,5%. Tant pis pour les recettes publiques, tant mieux pour les grandes entreprises et leurs actionnaires. Pourtant, il est légitime que les grandes entreprises qui bénéficient des dépenses publiques, les infrastructures, la sécurité, l'éducation et la santé de leur personnel financent ces dépenses publiques. Ces grandes entreprises sont aujourd'hui plus riches que les États. Pensez à Google, à Facebook, à Amazon, à LVMH. Elles peuvent financer et orienter l'éducation, la culture, la presse, la recherche médicale et scientifique, ceci sans le moindre contrôle démocratique. Elles peuvent se payer des armées de lobbyistes et d'avocats. Au lieu de contribuer aux dépenses publiques, elles payent grassement des fiscalistes pour échapper à l'impôt. En fait, elles ont toutes une seconde activité, l'optimisation fiscale, c'est-à-dire la fraude fiscale. Pour cela, elles s'appuient sur des paradis fiscaux, des pays où les taux d'imposition sont très faibles, comme l'Irlande, la Suisse, les îles anglo-normandes, les îles Caïmans ou les Bermudes. Elles profitent des failles de la législation des pays européens, comme les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg. Elles profitent de l'indulgence de ces pays qui leur accordent clandestinement des rescrits, c'est-à-dire l'autorisation de faire des montages compliqués pour échapper à l'impôt. Ces pays organisent des trous dans leur législation pour faciliter l'évasion fiscale et attirer ainsi les multinationales. Ainsi, Apple a bénéficié de réductions d'impôts de 13 milliards de la part de l'Irlande, qu'il devrait rembourser. Mais l'Irlande refuse ce remboursement pour bien montrer qu'elle entend rester un paradis fiscal. Comment font les grandes entreprises pour échapper à l'impôt ? Le principe est de localiser les profits dans un paradis fiscal où les taux d'imposition sont très faibles ou même nuls. Ainsi, une entreprise comme Starbucks France déclare acheter son café à un prix exorbitant à une branche de Starbucks située aux Pays-Bas, qui elle-même déclare se fournir en Suisse à un prix excessif. Starbucks France verse des redevances fabuleuses à des sociétés situées aux Pays-Bas pour avoir le droit d'utiliser le nom, la décoration et même les recettes Starbucks, même si ces recettes sont parfaitement banales. Elle s'endette à un taux excessif auprès d'une filiale bancaire néerlandaise de Starbucks. Ainsi, l'entreprise française est toujours en déficit, ne paye jamais d'impôts en France. Son profit est soi-disant réalisé en Irlande et en Suisse, ce qui lui permet de les transférer sans guère payer d'impôts aux Pays-Bas, puis aux Bermudes. Cela permet à Starbucks de concurrencer le café du coin qui, lui, paye tous ses impôts. Ainsi, Jersey est devenu un des premiers exportateurs mondiaux de bananes, sans que jamais une banane n'y pousse, ni même y transite, de sorte que les profits des négociants de bananes sont réalisés sur cette île où les taux de l'impôt sur les sociétés est nul. Ainsi, les entreprises Internet n'ont aucune filiale en France, ce qui leur permet d'établir des factures irlandaises et de payer, ou plutôt de ne pas payer, leurs impôts en Irlande. On estime que 40% des profits des multinationales sont accumulés dans des paradis fiscaux. On estime que ces pratiques d'optimisation fiscale font perdre chaque année 13 milliards de ressources au budget français, soit de quoi doubler le RSA et d'embaucher 100 000 soignantes dans les EHPAD. Comment lutter contre ces pratiques ? D'abord, chacun doit éviter, dans la mesure du possible, de faire des achats à des entreprises qui ne payent pas correctement leurs impôts en France, éviter Starbucks ou Amazon. Ensuite, les citoyens européens doivent exiger que l'Europe prenne des mesures de rétorsion contre les pays complices en Europe même, l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg. La France et l'Europe devraient dresser une liste sérieuse des paradis fiscaux et inclure tous les pays où le taux de l'IS est inférieur à 25% et interdire aux banques et aux entreprises européennes d'y déclarer ou d'y transférer des profits. Enfin, il faut imposer aux entreprises multinationales de déclarer en France la part de leurs profits correspondant à leurs activités en France. 40% donc, c'est le chiffre du profit accumulé par les multinationales dans les paradis fiscaux, soit 13 milliards d'euros évaporés pour le budget français. Le média a donc décidé d'attaquer en justice les grandes fortunes et multinationales qui refusent de publier leurs comptes comme elles y sont tenues. Pour mener à bien ces procédures judiciaires et enquêter sur cette fraude massive, nous avons lancé une cagnotte spéciale. Vous pouvez nous aider à assigner les fraudeurs en justice en cliquant ici. Le groupe de la France Insoumise se bat pour le droit universel à l'accès aux soins. En France, nous sommes aux côtés des soignants et soignantes qui se battent pour que le service public hospitalier puisse assurer correctement sa mission.

comme les autres, elle aurait bien tourné. Si son père, au lieu de l'abandonner, avait su protéger sous son aile l'hirondelle. Les conséquences des mauvais coups du gouvernement se mesurent. Ce matin, l'INSEE vient de publier une enquête qui montre que le taux de pauvreté dans notre pays touche 14,3% de la population, soit 400 000 personnes de plus que l'année dernière. Apparemment, le ruissellement, ça marche pas beaucoup. Eh bien, c'est contre ça que nous combattons, pour une société plus juste. Alors je le dis, il y a beaucoup de luttes. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à une question qui touche tout le monde. Tout le monde. La question des retraites. La question des retraites. Et ce combat, nous devons le mener tous ensemble. Car le projet du gouvernement, ça a été rappelé, mais je voudrais en dire quelques mots, c'est travailler plus longtemps, beaucoup plus longtemps, pour gagner moins. C'est pour que les retraités d'aujourd'hui touchent encore moins que ce qu'ils ne touchent aujourd'hui, et ils ne touchent déjà pas beaucoup. C'est ça le projet du gouvernement. Alors méfions-nous des esbroufes. Oui, le gouvernement mesure la colère sociale qui existe dans ce pays. Les mobilisations en témoignent. Oui, il essaye de manœuvrer comme d'habitude. Et comme d'habitude, il va essayer d'opposer les uns aux autres. Les pauvres aux plus pauvres, les retraités aux actifs, les jeunes et les moins jeunes, le service public et le privé. C'est ça le plan B dont on parle depuis quelques jours. Cela va consister à dire, ok, ceux qui sont au boulot, vous ne serez pas touchés. Mais les nouvelles générations, elles vont morfler. Eh bien, à la CGT, nous refusons de sacrifier quelques générations que ce soit, et donc ce combat, nous devons le mener tous ensemble. Le seul bon plan B, c'est celui de la CGT, c'est-à-dire de garder un système de retraite qui est le meilleur au monde. Et alors, bien sûr qu'il faut l'améliorer, mais par exemple, pour que les femmes aient des pensions comme celles des hommes, il n'y a pas besoin de changer le système de retraite. Il faut les payer comme les hommes pendant qu'elles travaillent. Il faut cesser de leur imposer du temps partiel à 80, à 70%. Elles doivent pouvoir payer, pas 45 heures, 32 heures, avec un salaire digne de ce nom pour avoir une bonne retraite. Vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin de toucher au système de retraite le meilleur au monde. Cette réforme, elle touche tout le monde. Tout le monde. Et se battre ensemble contre ce projet et pour une amélioration du projet existant, ce n'est pas remettre de côté des revendications comme l'avenir de ce site. C'est avoir plus de chances de gagner sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Et donc oui, il faut que dans toute la CGT, du syndicat à la confédération, exact, mais tout le monde, fasse en sorte que le 5 décembre prochain, on soit tous ensemble en grève, tous ensemble dans la grève, et qu'on discute avec, évidemment, ceux qui sont déterminés pour voir les modalités. Et à la CGT, on n'a pas peur de parler de grève reconductible. On n'a pas peur de ça. Alors oui, le 5 décembre, il faut que nous soyons tous dans l'action. Il faut convaincre. Nous avons encore du temps pour convaincre. Et oui, il faut discuter des modalités de l'action, y compris reconductible. Nous avons un boulevard devant nous, mes camarades. Eh bien, ne mettons pas le pied sur le frein. Tous dans l'action. Merci. Vive la CGT. chante, je chante avec toi, libéré. Quand tu pleures, je pleure aussi, ma belle. Quand tu trembles, je prie. Les annonces qu'on a fait d'urgence sociale sur les gilets jaunes ne seront pas financées par l'État. L'État décide et la sécurité sociale passe la voiture balai. Tout a été compensé régulièrement. Quand l'État ne compense pas, en réalité, il porte atteinte au salaire des travailleurs. Toutes les professions médicales nous regardent. Eh bien, il y a un autre voile qui est mis, c'est celui sur le budget de la France, et c'est bien regrettable. Comment le gouvernement veut reprendre à la sécurité sociale l'argent distribué en décembre 2018 aux Gilets jaunes et le sempiternel retour de la question du voile? On en parle tout de suite dans le petit coup de Bourbon numéro 49. Merci une nouvelle fois pour votre soutien financier, mais l'effort doit se poursuivre. Alors, rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Le voile. Ah, le voile. Et si je vous disais que cette agitation politique et médiatique autour d'une querelle ancienne tombe à pic pour le gouvernement, une diversion bienvenue pour que l'opinion ne s'intéresse pas trop au projet de budget 2020 et au financement de la sécurité sociale. Vous ne me croyez pas? Alors on va écouter ce que me disait mardi Jean-François Cesarini, un des frondeurs du groupe La République En Marche. Je préférais parler avec les journalistes de ce qui va se passer ce soir à la Commission des affaires sociales. Très important, les annonces qu'on a fait d'urgence sociale sur les gilets jaunes ne seront pas financées par l'État et vont faire porter ça sur la sécurité sociale suivant le vote de ce soir. Ça, c'est beaucoup plus important que n'importe quel autre débat. Je vous explique de quoi il retourne. C'est un peu technique, mais une fois qu'on a compris le mécanisme, on saute au plafond. Souvenez-vous, en décembre, pour tenter d'apaiser le mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement a adopté trois mesures. Une prime exceptionnelle, totalement défiscalisée, désocialisée, impôts, cotisations, CSG, CRDS, pour les salariés gagnant moins de 3 fois le SMIC. La défiscalisation des heures supplémentaires et la suppression des cotisations sociales. L'exonération de la hausse de la CSG pour les retraités dont les revenus sont inférieurs à 2000 euros net. Ces exonérations et allègements de cotisations, ce sont des recettes en moins dans les caisses de la Sécurité sociale, autour de 5 milliards. Justement, une loi du 25 juillet 1994, que l'on doit à Simone Veil, prévoit que l'État, dans ce cas de figure, compense à l'euro près les exonérations et allègements. Eh bien, figurez-vous que le gouvernement entend s'affranchir de cette obligation. C'est ce qu'on découvre dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, que la Commission des affaires sociales est en train d'examiner. L'article 3 prévoit expressément la non-compensation. Décision qui a provoqué un tir de barrage de toute l'opposition. Le gouvernement, pour compenser les mesures d'urgence économique qui ont été décidées à la fin de l'année dernière, met un coup de pied, un véritable coup de pied, dans ce qu'on appelle l'autonomie de la sécurité sociale. La loi Veil, qui avait été suivie ensuite de la loi de l'assurance maladie de 2005, à laquelle j'ai participé, qui était celle de Douste Blasi et de Xavier Bertrand, avait fait que toute exonération devait être compensée. Alors certes, parfois, il y avait quelques écarts, mais tout a été compensé régulièrement. Jusqu'à 57 milliards d'euros ont été compensés par toutes les exonérations des uns et des autres. C'est la règle. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que vous avez toutes les caisses unanimes sont contre cet article. On transfère de la solidarité sur les cotisations sociales. En gros, c'est le travail qui vient financer la solidarité. C'est une vraie question. Et comme j'ai entendu que le ministre du Budget avait annoncé que ça allait être une règle un peu plus générale qu'elle l'était avant, c'est un sujet qu'il faudra qu'on aborde ici. Il ne faudrait pas que ces pratiques se généralisent, s'étendent. Et pas d'un côté estimer que l'objectif d'équilibre des finances publiques est essentiel, et de l'autre côté, lorsqu'on prend des mesures, soit gilets jaunes, soit pour n'importe qui, que derrière, on dise, voilà, très bien, l'État décide, et la sécurité sociale passe la voiture balai. Les efforts consentis par les assurés sociaux depuis 2008 ont été absolument considérables, avec, en tout cas sur le plan budgétaire et financier, des résultats qui auraient dû se voir dès cette année, avec un équilibre de la sécurité sociale, avec un remboursement de la dette sociale. Maintenant, dans peu de temps, le gouvernement a sciemment fait le choix de mettre la protection sociale sous tension, probablement pour continuer de lui faire faire un certain nombre d'économies. Et donc, nous proposons la suppression de cet article en ajoutant, que les cotisations sociales, c'est la différence entre le salaire net et le salaire brut, et que quand l'État ne compense pas, en réalité, il porte atteinte au salaire des travailleurs. Et la réalité, c'est que nous sommes finalement peut-être plus que vous dans la défense de cette compensation, dans l'idée que le travail doit payer. Des exonérations de cotisations, on dit baisse des charges, mais en réalité, les cotisations sont bien une partie du salaire socialisé différé qui sert à financer la santé, les retraites, les Français le savent bien, et qui ici ne sont pas compensées par le budget général. C'est-à-dire que le gouvernement a volontairement créé les conditions d'un affaiblissement de la sécurité sociale en choisissant de ne pas compenser ces éléments et fait porter le chapeau, en quelque sorte, aux gilets jaunes une nouvelle fois. Un bloc auquel se sont joints 9 députés de La République En Marche. Toutes les professions médicales nous regardent, l'hôpital va très mal. Si on commence ce PLFSS de cette façon-là, moi, je suis très inquiète. Donc, très clairement, merci Madame la Présidente, je termine. Jean-Pierre très clairement, il me semble que on ne doit pas être sur une exception qui serait renouvelée d'un exercice à l'autre. Vous avez compris le mécanisme. En décembre, on allège ou on supprime les cotisations sociales pour redonner du pouvoir d'achat aux catégories les moins aisées. Et 9 mois plus tard, on fait payer aux assurés sociaux ces mesures. Des assurés sociaux dont font partie les bénéficiaires de ces allègements et exonérations. Bref, ce que le gouvernement a donné d'une main, il le reprend de l'autre. Qui plus est, cette absence de recettes va fatalement se traduire par une pénurie accrue et des remboursements moindres, puisqu'il faudra bien ramener à l'équilibre les comptes de la sécurité sociale. Or justement, cette année, l'assurance maladie allait enfin être à l'équilibre. On appelle ça une entourloupe. Ce front commun de l'opposition et de l'aile gauche de La République En Marche a fini par l'emporter au moment du vote. la non-compensation par l'État des exonérations et autres allègements de cotisations a été rejetée. Mais la partie n'est pas gagnée. Le projet de loi de financement sera examiné dans l'hémicycle la semaine prochaine. Il sera alors plus difficile de faire reculer le gouvernement. D'autant qu'il y a fort à parier que la question du voile, de la laïcité et de l'école occultera encore tout le reste. C'est un braquage médiatique insupportable, fait sur la base d'une agression de la part d'un élu d'extrême droite. Et je trouve ça insupportable parce que pendant que tout cela occupe l'espace médiatique, pendant ce temps-là, ici, on débat du budget de l'Assemblée nationale et on fait la poche des Français, on casse les services publics, on fait du mal à nos pompiers. On ne parle que du voile. Eh bien, il y a un autre voile qui est mis, c'est celui sur le budget de la France, et c'est bien regrettable. On ne saurait mieux dire. Le voile, ah, le voile. Il y avait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, au moins un mois. Eh bien, reparlons-en puisqu'il le faut. Depuis le début de la semaine, la majorité se livre à un étrange ballet médiatique autour de ce sacré foulard. Un sujet qui est pourtant balisé par la loi. J'avais eu l'occasion de vous rappeler ce qu'il en est à propos d'une affiche de la FCPE, la principale organisation de parents d'élèves. Je vous résume la polémique dont vous avez dû capter des bribes, tant les médias s'en donnent à cœur joie. Car à moins de dormir dans un congélateur, il était difficile d'y échapper. Point de départ vendredi dernier, l'apostrophe en plein conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté d'un élu du Rassemblement national, Julien Audoul, contre une mère de famille voilée qui accompagnait une sortie scolaire. Interrogé sur BFM dimanche, Jean-Michel Blanquer condamne l'attitude de l'élu lepéniste. Mais il déclare qu'il préfère qu'une mère accompagnatrice ne porte pas le voile, car il n'est pas souhaitable dans notre société. Le lendemain matin, le député de La République En Marche, Aurélien Taché, déclare dans Le Point que Julien Audoul récupère les mots de Jean-Michel Blanquer. Riposte du ministre de l'Éducation nationale le jour même. Blanquer saisit la commission des conflits de l'AREM pour que le député soit sanctionné. Mardi, Gilles Legendre, le patron des députés marcheurs, tente alors de calmer le jeu. Je souhaite que Aurélien Taché et Jean-Michel Blanquer se parlent. Nous faisons partie tous de la même famille politique. Ils doivent discuter ensemble du sujet qui les a opposés pendant 24 heures et que cette polémique prenne fin. À chaque fois que nous tombons dans le piège d'une polémique qui a émergé de cette manière-là, je le rappelle, à l'initiative d'un élu du Rassemblement national, ce qui n'est pas particulièrement notre genre de beauté, à chaque fois que nous procédons de cette sorte-là, un, nous nous faisons du tort, et deux, nous faisons du tort aux Français. Les Français attendent de leurs responsables politiques qu'ils se saisissent de ce genre de sujet, mais qu'ils le fassent de manière responsable. Mais pourquoi cette bagarre ? Jean-François Cesarini, député de l'AREM, vous l'explique. Les personnes qui accompagnent les sorties scolaires ne représentent pas l'État, donc elles n'ont pas à être neutres de manière laïque. Néanmoins, la laïcité que peut porter aussi Aurélien Taché est des fois une laïcité un peu différente, j'allais dire un peu libérale, un peu où effectivement on est sur la pluralité, tout le monde a le droit de s'exprimer, alors qu'en France on est plutôt sur une laïcité de neutralité. Donc j'allais dire, là on voit bien les deux pans de la majorité, à la fois Blanquer qui est plutôt sur la droite de la majorité et Taché qui est sur la gauche-gauche. Voilà, on pense qu'on peut avoir une position plus médiane. Pour le dire plus clairement, Aurélien Taché lorgne en direction du modèle anglo-saxon, un modèle qui voit l'État reconnaître toutes les religions. Blanquer, lui, réduit la laïcité à un combat contre le seul communautarisme musulman. Du coup, toujours mardi, le Premier ministre est entré dans la danse à l'occasion des questions au gouvernement. Je ne pense pas, pour ma part, monsieur le député, que l'enjeu aujourd'hui, ce soit de faire une loi sur les accompagnants scolaires. Oui, car il y a une loi qui se prépare. Les Républicains, majoritaires au Sénat, ont déposé une proposition de loi tendant à assurer la neutralité religieuse des personnes concourant au service public de l'éducation. Elle sera examinée au Palais du Luxembourg la semaine prochaine. Le texte sera ensuite soumis aux députés le 29 octobre. Si la majorité reste en phase avec la position d'Édouard Philippe, il ne sera pas adopté. En attendant, Jean-Michel Blanquer et Aurélien Taché continuent à ferrailler. Hier, devant les sénateurs, le premier a réaffirmé sa position. La question des sorties scolaires est un enjeu hybride parce qu'il s'agit de l'enfant en dehors de l'école, mais dans un cadre qui, en effet, est scolaire. Et donc, je l'ai dit, nous ne souhaitons pas une loi parce qu'une loi créerait plus de problèmes que de solutions. En revanche, et je l'ai dit, et c'est l'expression, le sens de l'expression que j'ai utilisée, le voile n'est pas souhaitable parce qu'en effet, nous ne souhaitons pas que ce soit un élément qui puisse être interprété comme du prosélytisme dans ces sorties scolaires. Invité sur RMC, le second ne s'est pas privé de critiquer le ministre de l'Éducation. Il est difficile en revanche de dire la loi est ainsi, mais je préférerais que les gens fassent autrement. Là, après, on entre dans des considérations morales, individuelles. Le soir même, Emmanuel Macron s'est exprimé sur le sujet en marge du sommet franco-allemand. Il a dénoncé un raccourci fatal entre voile, communautarisme et radicalisation déplorant que tout a été confondu dans les débats et les commentaires. Ce qui ne manque pas de sel, car s'il en est un qui a allumé la mèche, c'est bien lui. Savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. Mais après tout, n'était-ce pas un des objectifs de cette polémique, permettre au président de jouer une fois encore au pompier pyromane? Merci d'avoir regardé ce numéro 49 du Petit Coup de Bourbon. Pour nous aider, c'est par ici. La cigarette sans cravate qu'on fume à l'aube démocrate, et le remords des coups de jatte avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu, ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles, qui tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale. Cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette, sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. N'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître. Merci Charlotte, génial. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Voici Recep Tayyip Erdogan, le maître de la Turquie, c'est-à-dire d'un pays au croisement des mondes européens, slaves et oriental. Erdogan qui dirige la Turquie, vous le savez, depuis 15 ans, avec son parti, l'AKP, et avec une constitution qui lui permet en gros de concentrer tous les pouvoirs. Pourtant, en juin 2019, les Stambouliotes, c'est-à-dire les habitants d'Istanbul, ont infligé un dur camouflet au président tout-puissant. Ils ont choisi pour nouveau maire Ekrem İmamoğlu, c'est-à-dire le candidat de l'opposition. Jamais une élection municipale en Turquie n'était devenue à ce point un enjeu national. Alors dans cette émission, on va essayer de comprendre quelle Turquie a construit ces dernières années le président Erdogan, avec quelle stratégie et quelle ambition de puissance. Alors pour commencer, faisons un peu de sociologie électorale. En 2002, pour remporter les législatives, Erdogan s'est appuyé sur ce qu'on appelle les tigres anatoliens, petits entrepreneurs dynamiques des villes du centre du pays, des villes moyennes de ce qu'on appelle la Turquie noire, comme Kayseri, Konya, Gaziantep ou Erzurum, islamiques et conservatrices, opposées à la Turquie blanche, occidentalisée mais perçue comme corrompue. Ces villes profitent, depuis 1996, de l'union douanière avec l'Europe. En 10 ans, avec Erdogan, la Turquie va ainsi tripler son PNB par tête, multiplier universités, hôpitaux et routes, et s'urbaniser. La vitrine de cette réussite, c'est bien sûr Istanbul, 17 millions d'habitants. Quand il était maire, Erdogan y a fait construire un troisième pont sur le Bosphore, une mosquée géante, un nouvel aéroport. Son parti, l'AKP, gagne toujours plus de voix, y compris dans les zones kurdes, 18% de la population turque. Sauf que Erdogan n'a pas seulement une ambition pour la Turquie, mais aussi une vision du monde, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Premier outil de cette ambition, le réseau diplomatique turc, devenu sous Erdogan le cinquième mondial, avec 239 ambassades et consulats. La Turquie d'Erdogan se montre également très active à l'ONU. Elle s'investit aussi au G20, à l'Organisation de la coopération islamique et à l'OTAN, dont la Turquie est membre depuis 1952 et où elle surjoue le rôle d'armée musulmane. Deuxième outil pour exporter cette puissance turque, les entrepreneurs, on l'a vu, très efficaces pour vendre des produits agricoles et industriels au Moyen-Orient, en Russie, en Asie centrale turcophone, ce qu'on appelle le Touran, dans le Caucase, en Europe et même jusqu'en Afrique. Là-bas, la Turquie s'implante notamment dans des pays musulmans boudés par l'Occident, comme la Somalie ou le Soudan, obtenant un bail de 99 ans sur le port soudanais de Souakin, en mer Rouge. En 15 ans, les échanges vers l'Afrique ont triplé, atteignant 20 milliards d'euros. En contrepartie, la Turquie importe matières premières et énergie, ici gaz et pétrole, qui lui font défaut. Troisième outil, le tourisme. 35 millions de visiteurs en Turquie en 2014, 45 millions en 2018, la compagnie nationale Turkish Airlines faisant partie intégrante de cette stratégie de puissance. Puissance diplomatique, puissance commerciale, mais aussi diffusion d'un modèle culturel turc. L'AKP islamiste mise sur l'idéologie religieuse, formant des imams, finançant de nombreuses mosquées dans les Balkans, ici à Tirana, en Afrique, à Djibouti, et même en Asie, où la Turquie défend les Rohingyas birmans. Sans oublier le succès de ces séries télévisées, le pays est devenu le deuxième exportateur de séries dans le monde, derrière les États-Unis. Cette stratégie de puissance, elle a été théorisée par le ministre des Affaires étrangères Davutoğlu, qu'il a qualifié de néo-ottomane, ce qui nous amène à remonter dans le temps. Avant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman qu'on voit ici était tricontinental, multiethnique et multiconfessionnel. En 1920, il est démembré suite au traité de Sèvres. Pour la République du grand leader turc de l'époque Atatürk, c'est un traumatisme. Erdogan et son ministre Davutoğlu veulent précisément dépasser ce syndrome de Sèvres. Plus que sur la puissance militaire, ils misent sur les relations économiques et de bon voisinage, insistant sur la centralité du pays entre Europe et Asie, pivot régional, voire mondial. Cette politique étrangère va surtout cibler les anciens espaces ottomans, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Balkans, Asie centrale et Mongolie, où remontent les racines turques, et au-delà, Afrique et même Amérique latine. En résumé, on l'a vu, Erdogan a réussi à libérer la Turquie du poids du passé et lui a rendu sa fierté. Et puis est venue 2015, la crise syrienne. La politique étrangère d'Erdogan va alors prendre une dimension plus militaire, surtout après que l'armée a été purgée et mise au pas suite à la tentative de putsch de 2016. Et puis le président turc va également utiliser la proximité de son parti, l'AKP, avec les partis islamistes de la région pour en faire un outil d'influence. Lors des printemps arabes de 2011, la Turquie est en effet perçue comme le modèle de référence de démocratie musulmane. L'AKP soutient les islamistes d'Ennahda en Tunisie et les frères musulmans en Égypte. Le retrait des États-Unis du Moyen-Orient, puis la crise syrienne, vont accélérer l'engagement turc dans cette région jadis ottomane. En Syrie, Ankara soutient dès le début l'opposition politique contre Assad. Mais ces 900 km de frontière avec la Syrie posent problème. 4 millions de Syriens se réfugient en Turquie, des milliers de djihadistes vont soutenir Daesh ou Al-Nostra, et surtout, entre 2015 et 2017, une vague d'attentats islamistes ou attribués au PKK kurde secoue le pays. Erdogan, très inquiet de l'extension des zones kurdes à sa porte, va donc autoriser, entre 2016 et 2018, 3 opérations militaires en Irak et en Syrie pour les contrer. Et politiquement, il va faire volte-face, s'alliant avec la Russie, pourtant premier soutien de Assad. Résultat, il va se retrouver à la table des grands aux négociations de paix d'Astana en compagnie de l'Iran. Son positionnement à l'égard des frères musulmans explique aussi son rapprochement avec le Qatar. Ankara y a ouvert une base militaire en 2016, de quoi accentuer encore un peu plus les tensions avec l'Arabie saoudite, les Émirats et l'Égypte du maréchal Sissi, ennemis jurés des frères musulmans. Lors de l'assassinat de l'opposant saoudien Khashoggi au consulat d'Istanbul à l'automne 2018, Erdogan en profite pour dénoncer Riyad avec force. Ailleurs dans la région, les rapports se sont dégradés avec Israël, le grand allié militaire des années 1990, Erdogan préférant désormais afficher son soutien à la Palestine. Quant à l'Iran, les intérêts sont avant tout économiques, importation de gaz et trafic varié dans les régions frontalières de l'Est, la Turquie ayant obtenu sous Barack Obama de larges exemptions des sanctions frappant l'Iran. Enfin, dans le Caucase, la Turquie soutient l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, avec qui les rapports restent bloqués, la frontière fermée, Erdogan se montrant allergique à toute évocation du génocide arménien. Mais cette nouvelle stratégie d'alliance a un revers. Elle fragilise les relations de la Turquie avec l'Occident. Alors précisément, intéressons-nous à l'histoire de la relation entre l'Europe et la Turquie. Avec l'Union européenne, Erdogan a ouvert les négociations d'adhésion en 2005, Ankara étant candidate depuis 1987. Mais dès 2006, ces négociations ont bloqué sur Chypre, dont l'Union européenne ne reconnaît pas la division. Tension relancée après la découverte de gros gisements de gaz en Méditerranée, proche de la zone occupée turque. Ankara, qui n'apprécie pas beaucoup non plus les critiques européennes consécutives à la répression du parc de Gezi en 2013, critique après les purges massives qui ont suivi le coup d'État manqué contre lui en 2016, critique enfin dans le conflit contre les Kurdes. Mais à long terme, l'Union européenne et la Turquie savent qu'elles sont liées par les flux d'hydrocarbures, le contrôle des flux de réfugiés, les échanges et les investissements directs. Sans oublier les 6 à 7 millions d'immigrés d'origine turque en Europe, première communauté étrangère de l'Union européenne, qu'Erdogan et l'AKP ont su séduire. Alors regardons maintenant la relation avec les États-Unis. Grand allié de la Turquie pendant la guerre froide, les rapports avec Washington se sont également tendus. Les bases turques de l'OTAN restent vitales pour les États-Unis, sauf que dès 2003, Ankara avait interdit de les utiliser pour la guerre en Irak. Et puis Erdogan a fustigé l'aide d'Obama aux Kurdes syriens contre Daesh. Erdogan, furieux aussi du refus américain d'extrader Fethullah Gulen, accusé d'être derrière le coup d'État de 2016. Enfin, sous Trump, Ankara a acheté des antimissiles S-400 d'origine russe, un affront. Vladimir Poutine, lui, est bien sûr ravi d'affaiblir l'OTAN et soutient sans retenue Erdogan depuis le coup d'État de 2016. Car s'ils sont alliés en Syrie, Turquie et Russie se perçoivent surtout comme deux puissances intermédiaires incontournables, voire comme des passerelles entre l'Europe et l'Asie. Et voilà comment Recep Tayyip Erdogan a redonné de la puissance nationale, régionale et mondiale à une Turquie, on l'a vu, affaiblie par les conflits du XXe siècle, avec vraiment l'ambition d'en faire le pays pivot entre Occident et Orient. Mais à quel prix? Aujourd'hui, on le sait, les prisons turques sont remplies d'opposants, les médias sont muselés, l'armée, la justice, les administrations ont été épurées. Pour autant, la contestation se fait aussi de plus en plus entendre et l'opposition politique a même repris des couleurs au dernier scrutin et notamment, on l'a dit, lors des élections municipales à Istanbul en juin 2019. Enfin, ces derniers mois, c'est aussi l'économie qui marque le pas en récession depuis mars 2019. Et cette émission a été préparée avec la chercheure de l'IFRI Dorothée Schmidt, auteure chez Talendier de La Turquie en 100 questions. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet sur lequel vous retrouverez notamment nos experts. À bientôt. En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Propos ne vous surprendra pas, j'ai déjà eu l'avantage de le présenter en plénière sur le même sujet. Nous payons la France 9 milliards de plus que nous ne recevons. On pourrait dire, ben voilà, cette œuvre de solidarité, d'amour et de fraternité, pourquoi pas. Mais ça serait valable si on y trouvait notre compte et que les principes auxquels notre pays est attaché étaient un tant soit peu respectés. J'observe que Madame Loiseau, d'heureuse mémoire ici, avait répondu la première fois que j'ai présenté mes objections à cette contribution nette de 9 milliards que moi, j'avais le cœur sec, en quelque sorte. Soyons clairs, disait-il, déplorer le principe d'un solde négatif net pour la contribution française est désolant, monsieur Mélenchon. Oui, la France est un contributeur net, comme tous nos grands partenaires. D'ailleurs, oui, au fur et à mesure des élargissements, les taux de retour des États fondateurs se sont dégradés, mais ce solde net a un sens. C'est d'abord l'expression de la solidarité européenne avec des pays en rattrapage économique. La solidarité, m'avait-elle dit, vous savez, ce beau mot, ce principe sur lequel repose le projet européen tout entier. je m'étais donc fait donner la leçon, pas trop avec le sourire, mais enfin. Mais j'ai noté que même elle avait changé d'avis, puisque dans le cours de la campagne électorale, le 11 avril, elle a dit « Les fonds européens que reçoivent les pays européens les plus pauvres visent à réduire les écarts de pauvreté entre les 28. C'est très bien. Mais comment expliquer aux contribuables français que la France est le deuxième plus gros contributeur au budget de l'Union européenne et qu'on n'exige aucune contrepartie en matière sociale ?» Il n'est pas normal, dit Madame Loiseau, qu'un travailleur français fasse un chèque à la Hongrie pour financer indirectement un dumping social dans ce pays. Exemple, dit Madame Loiseau, la nouvelle loi sur le travail en Hongrie permet aux employeurs d'exiger jusqu'à 400 heures supplémentaires par an, payables 3 ans plus tard. Donc je m'aperçois que certains arguments ont fait leur chemin et ils sont entendus. La question n'est pas de savoir si la France peut ou doit être solidaire ou pas. Évidemment, la France l'a toujours été. Et on ne voit pas pourquoi on changerait aujourd'hui. Mais ce ne peut être qu'à l'intérieur d'un cadre qui soit respectueux des principes auxquels nous sommes attachés. Notre président vient de rappeler à l'instant que la dernière fois que nous sommes exprimés, ça a été pour demander que des efforts de convergence sociale et fiscale soient faits, nonobstant certains articles du traité, qui, à mon avis, le rendent impossible. Mais en tout cas, il y avait donc bien une volonté politique que l'on attachait à notre contribution. Ça ne s'imagine pas de contribuer sans avoir aucun avis sur la finalité de ce qu'on fait. Donc ma remarque est une protestation liée au fait que la France pourrait faire usage de cette contribution nette pour obtenir un changement de comportement, notamment sur les questions de convergence sociale et fiscale. C'est donc un moyen de pression dont nous disposons. Ceci dit, je voudrais faire remarquer aux collègues que si l'on met de côté les bonnes intentions et qu'on en vient au mouvement qui remplisse les caisses et qui les vide, on s'apercevra que l'Union européenne, en proie à une idéologie bien connue de nous, a au fil du temps diminué la contribution qui a été réclamée aux entreprises et augmenté celle de l'État. Les droits de douane représentaient 30% du budget de l'Union européenne et les contributions des États 10% en 1988, pas quand, à la Fondation de l'Europe. C'était 10%. Eh bien aujourd'hui, ça représente les droits de douane représentent 14% du budget de l'Union européenne et les contributions des États 66%. Nous sommes passés de 10% à 66% pendant que la contribution des entreprises baissait. Alors que personne n'aille objecter que c'est pour rendre le territoire de l'Europe plus attractif. Il n'a pas besoin d'être attractif, il l'est naturellement. C'est le premier producteur mondial, le premier commerçant mondial. Par conséquent, content ou pas content, c'est ici qu'il faut vendre. Et par conséquent, les entreprises payent ce qu'elles doivent payer, ça fait partie de leurs charges. Ça c'est première remarque. Deuxième remarque, ça c'est pour ce qui rentre. Deuxième remarque, c'est pour ce qui sort, eh bien, on peut dire que c'est la gabegie, le chaos, et que ceux qui nous donnent des leçons sont les plus mal placés pour le faire. À la fin de chaque cadre financier, il y a, en langue européenne, ça s'appelle les restes à liquider. N'importe où ailleurs, ça s'appelle des déficits, mais là, c'est des restes à liquider. Pourquoi pas ? Eh bien, nous sommes passés de 188 milliards d'euros à la fin du cadre 2014, et nous en sommes maintenant, en 2019, à 300 milliards d'euros, c'est pas rien. C'est dire comment c'est bien géré. Ça représente, comme vous le savez, 2 ans de budget de l'Union européenne, ni plus ni moins. Par conséquent, on doit s'attendre à un nouveau gap à la fin de la gestion de ce cadre. Je finis, en effet, en vous disant que 9 milliards pour un pays qui est montré du doigt régulièrement pour ses déficits, ça s'appelle une dépense somptuaire. Donner 9 milliards alors que vous n'en avez pas les moyens, c'est une dépense somptuaire. Et je regrette qu'on continue à la consentir sans exiger de contrepartie, je ne dis pas de retour, je ne dis même pas que ces 9 milliards devraient revenir, ça représenterait plusieurs dizaines de milliers de postes d'enseignants, ça réglerait quasiment le problème de la mise à flot des EHPAD dans notre pays, etc. Mais je ne dis même pas ça, mais qu'au moins il soit tenu compte des exigences de la France sur les critères de convergence sociale et fiscale que nous réclamons. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit de ce que j'avais à dire de désagréable sur le sujet. J'ai fini pour vous dire que ça doit vous remplir de joie de penser que 9 milliards d'excédents, il y en a 6 milliards pour les Turcs, de manière à ce qu'ils gardent leurs frontières, de la manière que vous savez, à l'égard des immigrés qui souhaitent y passer. Je rejoins beaucoup des critiques qui ont été présentées, mais si on essayait un instant de prendre de la hauteur pour voir ce qu'elles ont en commun, on s'apercevrait que quel que soit notre point de départ dans l'évaluation du projet européen en tant que tel, nous arrivons à ce moment de son histoire à des exigences assez communes à l'ensemble de ceux qui se sont exprimés. Et sans sortir trop du cadre, je veux dire que si en Europe il y avait un point de vue français qui s'exprimait dans la discussion internationale, les choses évolueraient autrement. En Europe, dans la discussion internationale, il y a un point de vue allemand. Le gouvernement allemand, ses députés, ses cadres interviennent tous dans le même sens et chassent en meute au Parlement européen. Nous sommes ici un certain nombre à y avoir siégé. Marielle de Sarnez ne me contredira pas. Ils sont toujours tous d'accord dès qu'il s'agit d'un certain nombre de points qui leur paraissent participer de leur Volksgeist à eux, comme disent les Allemands, c'est-à-dire l'esprit public, hein, notamment sur des points de doctrine économique. Voilà. Alors nous, les Français, nous avons, nonobstant toutes nos oppositions, un certain nombre de points sur lesquels nous sommes tous d'accord, notamment sur les mesures qui concernent la place de l'État, sur les solidarités sociales, plus ou moins. Mais ça participe de notre vision de la vie en société. Ce point de vue ne s'exprime jamais. Par exemple, sur la question de la laïcité que nous avons tous à fleur de peau, il faut savoir que cette proposition n'a jamais été faite. Dans la fameuse convention Giscard, beaucoup de gens se sont réunis par pays, par thème, sur la laïcité. Les Français n'ont jamais fait la moindre proposition. Donc après, il ne faut pas s'étonner que ça ne soit pas entendu, puisque ce n'est pas dit. Donc je vais terminer rapidement pour dire voilà le point où nous en sommes. Vous avez manifesté des inquiétudes pour le futur, mais vous avez raison d'être inquiet, parce que quel que soit notre point de départ, on arrive aux mêmes conclusions. Les changements à la tête de la Banque Centrale Européenne font qu'il y a aujourd'hui une majorité de banquiers centraux qui sont contre la politique des facilités monétaires que M. Draghi avait fort heureusement imaginée. Ça veut dire que la politique de la Banque Centrale Européenne va être beaucoup plus restrictive, en pleine période de récession. Et tout ça aux applaudissements des banquiers allemands, qui trouvent que c'est une bonne idée, parce que ça garantit la stabilité de la monnaie, de leur monnaie, et qu'ils veulent qu'il y ait une meilleure rétribution des fonds qui sont placés par les banques à la Banque Centrale Européenne. Donc ça va aller plus mal, c'est une certitude. Et comme on ne change rien aux autres politiques, on ne voit pas pourquoi ça s'améliorerait. Vous avez évoqué la politique agricole commune. Moi, à chaque fois, j'entends ça avec beaucoup de désolation. Mais la politique agricole commune, ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux Français. Nous donnons 21 milliards. Nous récupérons 14 milliards dessus. Donc c'est notre argent qui est utilisé d'une manière communautaire, on l'entend. La politique agricole commune a permis en 20 ans de devenir autosuffisant alimentairement, sauf sur une marchandise, le soja, que nous avons abandonné au marché mondial. Il y a des leçons à tirer de tout ça. On fait le contraire. On va ouvrir les marchés et transformer toutes les productions agricoles en un marché comme les autres. J'achève en vous disant que le résultat, on le voit dans les urnes. Je me rappelle, à l'époque où je siégeais avec quelques-uns de ceux qui sont ici au Parti Socialiste, des discussions qu'il y avait sur l'entrée de 10 pays d'un coup dans l'Union Européenne, et on nous disait, on ne peut pas leur faire ça, ils espèrent tellement, ils aiment tellement le projet européen, etc. Ben regardez les taux d'abstention, c'est absolument inouï. Il y a des pays de l'ex Europe de l'Est, où c'est à 80% d'abstention. Les gens ne vont pas voter. Donc ça veut bien dire que quelque chose a déraillé, et il est temps pour nous de le remettre sur les rails. J'ajoute, parce que je n'ai pas donné le chiffre tout à l'heure, que 9 milliards, c'est 10% de notre déficit. Ce n'est pas une petite somme. C'est pourquoi je me suis permis de parler de contributions somptuaires. Voilà. Alors moi, je m'adresserai volontiers à mon ami Jérôme Lambert, parce que je connais la fermeté de ses convictions. Il dit, mais moi, ça fait des années que je demande des changements. Ben Jérôme, il n'y a rien qui change, donc pose-toi une question. Pourquoi ça ne change pas? C'est pas parce que les gens sont méchants, c'est tout simplement parce que les conditions ne permettent pas ces changements. Et je crois que maintenant, on est un peu au pied du mur. Alors évidemment, il ne se passera rien comme d'habitude. Une fois, dans une réunion que tu as connue comme moi, qui était le BN du PS, Delors m'avait même donné raison. Il avait dit, il a raison. Il faut provoquer des crises. C'est quand Delors était d'accord avec moi, c'était un événement intergalactique. Hein. Bon, et il faut provoquer des crises. L'Europe, non mais c'est venu bien après, alors je lui souhaite prompt rétablissement si c'est possible. Bon, voilà, en attendant, la certitude c'est qu'on ne fait bouger l'Europe que par des crises. Et je vous le redis, je sais que vous n'aimez pas m'entendre dire ça parce que vous l'interprétez d'une mauvaise manière. Ce n'est pas possible que l'Europe continue à être l'Europe allemande. Ou bien elle est l'Europe européenne, ou bien elle ne fonctionnera jamais. Et il n'y a pas d'Europe européenne sans les Français. Dans le débat, il faut quand même qu'il y ait une évolution de notre manière d'intervenir. Parce que sinon, on est enfermé. Si ceux qui critiquent sont immédiatement des xénophobes, repliés sur eux, nationalistes, je ne sais pas quoi, et les autres, les bons amis de l'humanité, on ne peut plus parler. Moi, ce n'est pas mon point de vue. Je critique la construction de l'Union européenne parce que c'est un objet qui a bougé, tandis que les discours ne bougent pas. Ce n'est pas la même chose, l'Europe à 6, à 16, à 18, les fonds communs, quand on aidait l'Espagne ou la Grèce, ou le Portugal à faire du rattrapage, quand on était 16, que maintenant qu'on est 28, et que la forme même de l'Europe a changé. L'Allemagne était la frontière extérieure, à la limite de l'Est. Elle est maintenant le centre géographique de l'espace européen. Alors, si ni la géographie, ni l'histoire, ni la politique n'ont aucune influence sur la nature des discours, alors on peut dire qu'on psalmodie. Bon, d'ailleurs, moi, j'en accuse pas les autres. Je pense que des gens qui sont engagés de notoriété publique, comme Ariel de Sarnez et quelques autres, vont défendre des positions en vue de faire évoluer la structure européenne. Ils disent pas qu'elle est bien comme elle est. Alors, de grâce, imaginez que nous aussi, on est dans la même posture. Moi, j'ai pas toujours été du même avis. J'ai été un fédéraliste européen un temps, parce que j'y voyais l'accomplissement d'une certaine idée. J'ai compris. C'est pour ça que je te posais la question, Jérôme Lambert. Quand rien ne change, alors que tu veux que ça change, si ça change pas, c'est qu'il y a une raison. Ce qui est vicié, à mon avis, c'est la nature des traités. Ça va pas s'arranger. Tout à l'heure, on a parlé du Brexit. Mais je pense que, collègues, vous faites une erreur si vous regardez pas ce qu'il y a dans l'accord qu'on leur propose. L'accord qu'on leur propose est pire que la situation présente, puisqu'ils vont avoir un accord de libre-échange avec l'Union européenne sans aucune des contraintes des membres de l'Union européenne. Donc moi, je souhaite un Brexit sans accord, parce que nous serons dans un rapport de force meilleur pour leur imposer ensuite des contraintes si nous pactons avec eux. Dire, comme l'a dit notre collègue, que les Allemands ont évolué positivement parce qu'ils ont levé des tabous, mais c'est absolument erroné. La Grèce, personne ne l'a aidé. On a donné de l'argent à la Grèce pour rembourser les banques, c'est tout. Si Tsipras était sorti de la salle en disant « Écoutez, moi je veux payer, ce que je lui ai conseillé de faire, je veux payer, je veux bien payer, mais là je ne peux pas payer », eh bien, je vous garantis que aussi bien Hollande que Merkel auraient couru dans le couloir pour le rattraper, parce que le système assurantiel du mécanisme financier européen, c'est 65 milliards pour les Allemands, 45 milliards pour les Français, si l'autre avait déclaré la banqueroute. Donc j'aime mieux vous dire qu'il aurait trouvé un meilleur arrangement. Donc ce n'est pas vrai que les choses aient bougé autrement que de force et par la crise. Donc pour une fois, essayons de provoquer, nous, je vais rejoindre ce qui a déjà été dit, 9 milliards d'excédents, c'est un instrument de discussion. Hein. Ben, essayons de peser pour dire, écoutez, maintenant, il y a basta. Il faut trouver une autre orientation pour l'Europe, parce que, comme l'a dit quelqu'un il y a un instant, on rend l'Europe odieuse aux Européens. C'est quand même un résultat tout à fait paradoxal. Et ne pas s'en émouvoir est un grand problème. Bon, je ne sais pas si mon point de vue est clair ce que je dis. Quand je parle d'Europe allemande, je me réfère à un livre écrit par un Allemand et préfacé par M. Cohn-Bendit, qui est un turiféraire habitué de l'Europe, quoi qu'elle fasse. Donc c'est plus dire, c'est pas une expression excessive. Et si vous voulez pas voir, vous autres de La République En Marche, que vous venez de vous faire rouler à deux reprises par Madame Merkel, c'est votre affaire. Mais moi, en tant que Français, je suis pas d'accord pour qu'on soit traité de cette manière-là, parce qu'il y a quelqu'un quand même qui nous a planté dans cette affaire, même si j'ai, je pense comme beaucoup, sur Madame Goulard, des choses qui ne vous plairaient peut-être pas, mais en attendant, c'est quand même la France qui vient de déguster. Et quand tout à l'heure on évoquait le chiffre de l'aide qu'on donne aux Turcs, 1 500 euros par réfugié au moment où il passe la frontière, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est pas le problème du budget, mais c'est quand même un problème de budget quand on donne 600 euros aux Libanais qui sont nos amis, nos alliés dans cette région, et que c'est le tiers de la population de leur pays qui est composé de migrants. Donc c'est pour dire rééquilibrer, ça veut pas dire détruire, et sur ce point il me semble qu'on pourrait s'accorder. Là vous avez un levier, bon, si on votait contre, hein, bah, ça ferait une ambiance de travail, comme dirait l'autre. Elle chante au milieu du bois, la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Elle était blonde, elle était douce, elle aimait à se reposer dans le bois, couchée sur la mousse, écoutant les oiseaux chanter. Un jour qu'elle allait à la ville, par le bois où elle passait, elle vit soudain immobile trois hommes qui la regardaient. Trois hommes qui la regardaient. Elle chante au milieu du bois, la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Ils étaient là, trois à l'attendre,